toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celluloid, donc le numéro 6 déjà. Alors pour ce mois-ci, pour le mois de février, pour le mois de mars, pardon, nous allons nous intéresser en termes de dossier à l'avalanche de sorties du mois de février, puisqu'il y a eu pas mal de sorties importantes même, hein, du mois le plus court de l'année en plus, c'est marrant. Donc on va vous faire un récapitulatif de ce que nous avons pensé, des films que nous avons vus. Alors mis à part Tarzan, que personne n'a vu, peut-être est-ce une bonne chose ou pas, nous ne pourrons pas vous le dire encore aujourd'hui. Nous avons pas mal de choses à vous dire. Alors bien évidemment on retrouve nos rubriques habituelles, une rubrique news qui va être assez importante, pas mal d'informations sur le mois de février. On va revenir également sur le box-office des dernières sorties, sur les films à venir également, et donc sur ce fameux dossier des sorties du mois de février. Alors évidemment, je ne suis pas seul encore aujourd'hui. Bonsoir Chronos. Bonsoir. Comment vas-tu ? Moi ça va bien. T'as bien profité de ce mois de février, de ces sorties Oui, grand mois de février pour cette année. Beaucoup de choses bien. Et donc on va voir ça tout à l'heure. Toon, bonsoir Toon. Salut. Toujours motivé? Toujours. Toi aussi, tu as apprécié ce mois de février. Tu aimerais avoir des mois de février comme ça tout le temps? Je sais pas, parce que c'est difficile à suivre. Mais ouais, il y avait pas mal de qualités ce mois-ci. On en parlera tout à l'heure. Alors, on va commencer par les news. Et Toon, tu vas nous parler d'une bande dessinée qui va être adaptée en film d'animation. Et tout à fait. C'est une bande dessinée qui est vraiment qui a une jolie reconnaissance. C'est L'Ascension du Homal, écrit et dessiné par David B, et qui est paru en 96 aux éditions L'Association. En gros, c'est une bande dessinée qui raconte l'enfance, on va dire, de l'auteur. Notamment son frère qui souffre d'épilepsie, et c'est une BD très très intéressante, graphiquement très intéressante, et aussi au niveau de l'histoire qui est vraiment très très bien, et voilà. Et donc ça va être adapté en dessin animé pratiquement 20 ans après. Et donc ça va être adapté, réalisé par Christophe Gérard et le studio d'animation Tchac, donc qui a réalisé entre autres Tom Tom et Nana, le dessin animé Tom Tom et Nana. Ça pose les bases tout de suite. Hein. Bah tout de suite, ouais, tu te dis là c'est du lourd quoi. Bah à la limite, moi ça m'étonne pas, parce que quand tu vois t'as deux trailers qui sont disponibles. Quand tu vois l'animation, ouais, des trailers, ça ressemble un peu à ce qu'on trouvait sur la série Tonton et Nana, et même plus récemment sur Aya de Yobugu. Je sais pas comment expliquer, on n'est pas vraiment sur une animation fluide, mais c'est pas non plus trop trop bien à regarder quoi. Ouais, un petit peu papier, on va dire. Oui, c'est ça. Et en fait, les trailers qu'on a vus collent parfaitement à l'ambiance de la bande dessinée. Avec ses couleurs jaunes et noires, et beaucoup de travail sur les noirs, et c'est vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les deux trailers sont plutôt pas mal, avec une recherche de mise en scène aussi comme l'était la bande dessinée, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant on n'a pas de date. On sait que ça sera un budget entre 6 et 8 millions d'euros. Ils cherchent encore. Hein, Ouais, ils cherchent. En fait, c'est ce qu'ils estiment. C'est ce qu'ils estiment devoir utiliser pour faire ce que eux veulent. Donc, j'espère qu'ils les auront, et j'espère qu'on verra peut-être pas en 2015, mais 2016. Justement pour les 20 ans du premier tome, ça serait pas mal. C'est marrant de se dire quand même que ils ont du mal à trouver 6 à 8 millions d'euros, alors que la Reine des Neiges par exemple, dans un budget de 150 millions d'euros pour faire un, de dollars pardon, pour faire un film. Ouais, ça c'est le problème de la France aussi. Au niveau animation, les budgets, on est vraiment pas permis. Donc Ouais, j'espère qu'ils vont trouver. enfin, les films d'animation français sont très généralement des coproductions avec Ouais, la Belgique, le tout à Luxembourg, fait. les États-Unis et pas mal d'autres pays. C'est vraiment difficile de financer un film uniquement en France. Bah, malheureusement, à part le CNC, à la rigueur, il faut vraiment avoir un dossier assez solide. Si, et les Canal+ et France 3 Ouais. apparemment donnent pas mal de budget, on en reparlera tout à Oui. l'heure. Il y a peut-être M6 aussi par rapport notamment au projet sur Astérix, ou on va dire peut-être sur les licences un peu fortes où il y a Oui, c'est ça, ouais. plus d'engouement pour trouver des financements. Mais quand c'est pas des licences fortes comme ça, c'est très difficile. Ouais, c'est sûr. Tout à D'ailleurs, fait. on en parlera juste après parce qu'il y a un projet qui a été annulé aussi, mais on reviendra après sur. Un peu plus tard dans les news. Alors moi, je vais vous parler. Je prends la main. Je vais vous parler Je donc. prends la main. Je prends la main. Un L'indice chez indice chez vous. vous. Et donc, je reviens. Alors, on parle. Il y a une actualité qui est quand même assez importante ces derniers temps, puisque on a appris alors que le vent se lève. Il faut tenter de vivre. D'Hayao Miyazaki était donc son dernier film, et donc c'est au tour de Toshio Suzuki de quitter son poste de producteur au sein du studio. Alors. Il ne quitte toutefois pas la structure puisqu'il devient général manager. Alors, la fonction elle-même, je ne sais pas exactement si c'est autre chose qu'un poste honorifique ou pas. Il est remplacé par Yoshiaki Nishimura, qui a fait ses débuts en tant que producteur sur le dernier film d'Isao Takahata, donc l'histoire de la princesse Kaguya. Alors, pour rappel, la collaboration entre Suzuki et Miyazaki a commencé, voilà, plus de 30 ans. C'était pas dans le domaine de l'animation, mais c'était dans le domaine du manga, parce que c'était au sein du magazine Animage, pour lequel Suzuki avait participé à la création du magazine. Et donc Miyazaki, c'est par le biais d'Animage qu'il avait sorti et pré-publié son manga Nausicaa, qui deviendra après le film d'animation que l'on connaît. Alors si Suzuki participe à la création du studio en 85, ce qui est drôle, c'est il sera vraiment présent et disponible qu'à partir de 89, puisqu'il continuera à travailler au sein de la maison mère d'Animage, à savoir Tokuma Shoten. Il est souvent, en fait, c'est marrant parce qu'on a toujours l'impression de voir que lui, en fait, au niveau du studio Ghibli, alors notamment au Japon, mais en fait, il est crédité que producteur, et cela jusqu'en 2005, qu'il prend la présidence du studio pendant 3 ans, avant de revenir producteur. Et juste, voilà. Suzuki va être considéré comme la personne publique du studio, c'est-à-dire, on va dire, la personne qui peut représenter, qui représente même en dehors de Miyazaki, le studio Ghibli, au moins au Japon, puisqu'il fait régulièrement des apparitions à la télévision. Et chose amusante aussi, c'est qu'il avait sa propre émission, alors il a peut-être toujours, j'ai pas vérifié, mais il avait sa propre émission de radio dominicale, qui portait le nom suivant, Suzuki Toshio no Ghibli Azemamire. Alors est-ce que c'était une émission en rapport avec l'actualité du studio je pense, ou alors par rapport à des sujets évoqués dans les différents films. Enfin, bref, c'est quand même une nouvelle, comment dire, je pourrais dire une nouvelle porte qui se ferme, mais c'est pas une expression qui se tourne, une page qui se tourne, merci. Après le départ de Miyazaki, c'est aussi une façon et comme il l'a dit d'ailleurs, c'est aussi une façon de passer la main à, entre guillemets, la jeunesse. Et de laisser un peu des nouvelles idées arriver au sein du studio. Vous, ça, si je vous dis Toshio Suzuki, ça vous parle ou absolument pas? Bah oui, tout à fait. Oui, de réputation surtout. Est-ce que Moi, ça me parle parce que j'ai lu un de ses bouquins où il parle de l'histoire de Ghibli, en fait. Et notamment de ses deux grands collaborateurs. Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Et en fait, on se rend compte que c'était vraiment quelqu'un de très important. Et ça l'est toujours, puisque je pense que son poste de général manager, ça va lui permettre de garder quand même un œil le projet en cours. sur à peu près tout ce qui se fait Ouais. dans le studio, quoi. Mais c'était quelqu'un de très important, parce que. Avec Miyazaki et Takahata, on avait deux très grand créateur, mais aussi deux très très forts caractères. Et lui, il était un peu là pour calmer le jeu et pour. C'était la voix de la raison en Ouais. quelque sorte, quoi. La diplomatie, quoi. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été. Enfin, il a été beaucoup la voix du studio au Japon. Et voilà, et non, c'est quelqu'un de très important et je pense que de toute façon c'était plus ou moins décidé à partir du moment où Miyazaki prenait sa retraite Oui, c'est sûr, ils ils ont quasiment 30 ans, même plus de 30 ans de collaboration, donc quoi. on peut facilement comprendre qu'ils souhaitent pas forcément travailler avec quelqu'un d'autre, même si travailler avec quelqu'un d'autre serait peut-être plus facile que de travailler Et avec je suis Miyazaki. pas sûr que ça soit le fait de travailler ou pas avec quelqu'un d'autre, c'est que lui aussi il commence à être âgé et il sent surtout que le fait que Miyazaki en ait fini avec Ghibli en quelque sorte, il faut passer la main et c'est peut-être le meilleur moment aussi pour lui aussi pour le faire. Ouais, c'était plus ou moins attendu, on va dire, mais c'est vrai que ça fout quand même un grand coup au studio, encore une fois. Ouais, mais ils ont quand même fait une transition avec le nouveau producteur, puisque le nouveau producteur a déjà travaillé sur le film Takahata, donc il n'arrive pas Ouais. non plus sans connaissance du fonctionnement du studio Non, Ghibli. c'est sûr. C'est quand même un plus à ce niveau-là. Alors, Chronos, tu veux nous parler de l'arrêt d'une série, la série qui s'appelle Cassos sur Canal+. Oui, la série Cassos, alors c'est imaginé par les créateurs des Lascar, qui était aussi une série sur Canal+. Et ça raconte l'histoire dans le bureau d'une assistance sociale, en fait, l'histoire de héros bien connus de notre enfance comme Astérix, qui sont renommés Aspégix et Gros Débilix, Zizimir ou des choses comme ça. Et ça raconte les héros de notre enfance qui sont complètement parodiés de façon un peu mordante, on va dire, corrosive. Et justement, c'est des petites pastilles de ça dure 1 minute, entre 1 et 2 minutes. Et c'est vraiment super drôle. C'est très très c'est de l'humour très très mordante, comme je disais, et super bien animé, tout en 2D. Et ça permet de retrouver des personnages bien connus et de les mettre un peu de façon irrévérencieuse, même parfois un peu osée, comme la, je sais plus quel Sandy. personnage, Sandy, ouais voilà, Sandy qui est un petit peu Qui est bipolaire, on va dire. qui est un peu bipolaire et qui est même un peu flouté sur la version YouTube, justement, donc on peut l'avoir intégralement sur la version de Le Canal+. plus, ouais. Donc ça a été arrêté après 16 épisodes, je crois. Donc ça a été créé dans le cadre d'une chaîne YouTube qui s'appelle Canal Factory, où en fait ça permettait justement à des jeunes de pouvoir tester des nouvelles choses, des nouvelles séries, des choses comme ça. Et il y a eu justement quelques animateurs qui ont bossé dessus, dont Bastien Vivès, qui est assez connu justement pour ses Turbomania. Et c'est sa bande dessinée Last Man aussi. C'est un peu la même équipe, je crois, qui ont fait justement la série Ouais. Cassos, qui ont fait Last Man. Et c'est dommage que ça s'arrête, parce que c'était vraiment une excellente série. Alors je crois que Romain, tu t'en as vu quelques épisodes. Oui, bah, en fait, pour être tout à fait franc, j'ai tout regardé cet après-midi. Parce que Allez, enchaîné. j'ai commencé, ouais, non, mais c'est très très drôle. J'ai commencé avec. Surtout, il se moque, je vois par exemple Captain Tsubasa, Captain Olivio. il est exceptionnel. Il est énorme. Et surtout, Ouais. ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, en fait, chaque pastille donc dure 2 minutes, et à chaque fois, on a deux deux personnages, personnages, deux enfin personnages deux différents, groupes, enfin deux groupes de deux personnages, voilà. personnages, Deux ouais. groupes de C'est-à-dire personnages, ouais. Les Dalton, avec Avrel qui est devenu musulman, et le plus petit, je sais plus comment il s'appelle, mais Joe, ouais. ceux qui veut le taper. Voilà, c'est plein de trucs. C'est idiot, en plus, parce que, voilà, notamment celui-là est excessivement drôle. Bah je suis Il y très fan a de leur lieutenant Dirty Gadget. ouais le Dirty Gadget, ouais. Celui-là il est excellent, mais il y a les Les Castors Juniors qui canards sont juniors, quoi. Ouais, Voilà, Canard Junior, qui apprennent ouais. les castors juniors et qui en font des racailles entre guillemets de banlieue, qui se moquent en plus, c'est trop marrant parce qu'ils se moquent de la voix de Donald. Et c'est vraiment, faut le voir, faut les voir, hein, parce qu'ils sont vraiment très très drôles. Et j'ai vu des personnages qui n'ont pas été adaptés, mais pour lesquels ils avaient quelques esquisses. Il y avait notamment Sacha et Pikachu. Ça pouvait être très Ah, j'ai drôle. pas vu ça. Il y avait également Nono le petit robot avec Ulysse 31. Voilà, il y en avait différents. Et quand même mention spéciale à Mario et Luigi qui sont deux homos en fait et qui sont Ouais. ensemble. Avec le petit accent italien qui va bien. Exactement. Ah là là, c'est énorme quoi. Même un Et accent. Ouais. ouais. Ouais, Et oui, j'ai. il y a des turbomédias aussi. On en avait parlé quand on Exactement. avait parlé du format dans une précédente émission. Et fêter Je son crois qu'ils sont encore anniversaire. disponibles. Ouais, Ouais, ils sont bah, encore ouais, ils disponibles sont sur sur le le site. Facebook. Ah, sur le Facebook? Parce que je crois que sur le site de Canal+, Sur le j'en site de ai vu Canal+ aussi. également. De toute façon, on vous mettra le lien dans le message du podcast. Mais c'est vraiment très très drôle et c'est vraiment dans l'esprit Lascar. Ah, complètement, ouais. En plus, l'animation est vraiment bien rendue, quoi. Ouais, ça, c'est, on sent que le budget est pas énorme, Ouais, tout à mais fait. ils arrivent vraiment à s'en sortir très très bien. C'est très séquencé, mais Très séquencé, ouais. C'est très découpé, mais ça marche super ouais. bien. C'est très dynamique. Mais ouais, C'est plein justement, ouais. d'expressions, c'est super drôle. C'est comme avec Astérix Obélix ou alors même Pac-Man qui est très très drôle Ah oui, c'est vrai qu'il y a Pac-Man aussi. avec il dit je vois des gens morts et il voit des fantômes, ce qui est normal. Enfin bref, c'est très drôle C'est et ça vraiment dure pas longtemps, excellent, hein, parce que ça comme il y a 16 épisodes de 2 minutes, donc ça vous fait une petite demi-heure à regarder sur ouais. une pause déjeuner, vous êtes peinard. Et en fait, les créateurs de la série ont fait une sorte d'appel où ils demandent à tout le monde de retweeter, de partager un maximum les vidéos parce que ça se finit là, donc en 16 épisodes, sur une décision de Canal, mais ils espèrent toujours si ça marche vraiment très très bien, de pouvoir continuer. Donc voilà, si vous voyez les vidéos et que ça vous fait marrer et que vous voulez que ça continue, Faut vraiment partager partagez-le quoi. parce que moi en tout cas j'ai envie de voir la suite quoi. Même si ça parle à tout le monde, hein, ça veut dire ça, y a pas tout le monde trouvera ça drôle parce que y a des références, je pense notamment au Dalton, il y a des références à Prison Break. Voilà, des séries américaines, il y a plein de choses comme ça, mais c'est super drôle quoi. Donc franchement, allez-y de bon cœur et donnez un coup en regardant les Cassos. Voilà, alors ben je prends la suite, je prends la main avec un projet donc qui devait être réalisé par Sylvain Chomet, donc réalisateur de Triplet de Belleville, qui s'appelle Swing Papa Swing, mais qui a été annulé. Alors aucune raison n'a été avancée, mais cela serait une volonté du réalisateur lui-même. Alors pour le coup, ça viendra peut-être notamment de. Alors une des raisons qui pourrait expliquer cette annulation, c'est notamment l'ambition du projet, puisqu'on parlait d'un budget supérieur à 11 millions d'euros. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est le manque de clarté du script, parce qu'il n'y avait aucun scénario écrit à l'avance. Et surtout quand on voit un peu les idées qui ont été avancées lors d'un événement par le réalisateur et par les producteurs, c'est assez étrange. Et donc voilà, le film se plaçait comme une préquelle aux triplettes. Donc pour ceux qui ont vu le film, on est un peu dans, bah, on était un peu dans le même univers. Donc voilà, pas de, en tout cas pour pas de projet en tout cas à ce niveau-là pour Sylvain Chomet. Il avait sorti de mémoire un film live en fin de l'année dernière, mais qui n'a pas connu un grand écho non plus lors de sa sortie. Juste à Il avait noter. fait l'illusionniste aussi, je crois, Oui, un tout à film fait. d'animation. Très bien aussi, d'ailleurs. Je crois qu'il avait été sélectionné aux Oscars, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, c'est fort possible. lors de sa sortie. À noter que l'actualité de Sylvain Chomet ne s'arrête pas là, puisqu'il a notamment réalisé une séquence clôturant le générique de début d'un épisode des Simpsons, donc toujours cette fameuse séquence où on retrouve les cinq membres de la famille sur le fameux canapé. Donc c'est pour la saison en cours aux États-Unis, c'est évidemment dans son style caractéristique. Alors on retrouve un peu le côté français, comme vous pouvez le trouver dans du français, on va dire, comme vous pouvez le retrouver dans les triplettes de Belgique. Mais c'est très bien fait, c'est très drôle. C'est marrant de voir cette façon, comme il l'avait fait d'ailleurs les Simpsons avec Miyazaki, de rendre hommage, en tout cas de laisser un réalisateur externe réaliser ce type de séquence. Je sais pas, vous l'avez vu cette séquence, Oui, Ouais. ouais. Et très très bien, ouais. Très très bien animé. Enfin, c'est comme d'hab sur les coach gags, c'est drôle en général, donc ça marche très bien. Et puis là, on reconnaît vraiment bien la patte de Sylvain Chomet. Ouais. Ah oui, tout à Puis fait, ouais. il insiste bien sur le côté très français avec les escargots et Oui. même le décor et tout, Les... c'est. Ouais. Ah ouais. La vieille télévision avec les boutons sur le côté, quoi. Mmh. Donc voilà, alors Toon, je te laisse la main, tu vas nous parler notamment de ce qui s'est passé lors des Césars. Alors évidemment, on va pas vous faire toute la liste, c'est bien trop long et fastidieux. Mais tu vas nous parler toi des résultats en ce qui concerne l'animation. Donc, je te laisse la parole. En fait, donc il y avait deux catégories en une seule pour l'animation. Donc meilleur film d'animation et meilleur court-métrage d'animation. Sur le meilleur film d'animation, c'est Loulou, l'incroyable secret qui gagne. Normal. Normal, enfin c'est. Il était face à Aya de Yopougon et puis ma maman est en Amérique. Elle a D'accord. rencontré Buffalo Bill. Donc c'est Loulou qui gagne. Et le meilleur court-métrage, c'est Mademoiselle Kiki et les Montparnasse qui gagne. Donc c'est très très bien. Je suis très content, notamment pour Loulou, l'incroyable secret que j'avais. Enfin, on en avait parlé dans le podcast dans le Celluloïd de janvier. C'est un très très bon film. Et il mérite vraiment cette récompense. Après, il y a eu deux choses qui sont plus ou moins liées. La première, c'est quelque chose que je trouve un peu scandaleux, c'est la façon de remettre les prix. C'était la seule catégorie, les deux catégories d'animation, c'était les seules qui ont été remises en même temps. C'est-à-dire qu'on a on, donc déjà c'était Kev Adams qui remettait les prix. Logique. J'ai rien spécialement contre lui, mais quand il arrive sur scène pour dire qu'il est très content d'être là, que ça lui permet de montrer, enfin de se faire voir pour autre chose que des trucs pour gamins, et qu'il fait ah bah non, je remets le prix de l'animation, donc c'est pour les gamins. J'ai trouvé ça très très moyen. Surtout quand tu vois que Loulou, l'incroyable secret, c'est pas du tout, même s'il a un Bah non, style un mais peu enfin même tu enfantin. regardes Mademoiselle Kiki et les Montparnasse, ça a rien de gamin. Dans les courts-métrages, il y avait des très très bons courts, enfin des trucs, ça a rien de gamin ou quoi que ce soit. C'est juste un cliché, une vision raccourcie de ce qu'est l'animation. Et les Césars, enfin l'Académie des Césars a fait un peu n'importe quoi. Donc Kev Adams a annoncé les deux nommés à la suite, enfin les deux nominations. Et il a remis les Césars à la suite aussi. C'est-à-dire qu'il a appelé le meilleur court d'animation en premier et le meilleur film d'animation à la suite. Ce qui a fait qu'il y a eu une confusion, personne savait. Enfin, pour Loulou, ils n'avaient pas entendu que c'était eux. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et surtout que ça. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. C'est la seule catégorie où ils font ça. C'est vraiment en dessous du cinéma d'animation. Alors qu'il y a des très belles choses en France qui se font. Et j'en viens du coup à la deuxième chose, c'est la productrice de. Une des productrices de Loulou l'incroyable secret, dont malheureusement je me souviens plus du nom, qui a fait un très bon discours en remerciant déjà forcément tous ceux qui avaient participé au film, en remerciant notamment Canal+ et France 3, qui sont des vrais, de ce qu'elle disait, des vrais partenaires du cinéma d'animation français, puisqu'ils financent quasiment tous les films, tous les longs métrages, et que en dehors de ces deux chaînes-là et du CNC, en France, c'est très très dur de trouver un financement, sachant qu'un film d'animation, ça coûte très vite cher. Voilà, elle a parlé de ça et elle a parlé aussi du fait que elle trouvait, enfin, c'était très bien de remettre un prix pour le film pour le film d'animation, mais que ça serait bien aussi d'en parler un peu plus et de notamment intégrer les comment dire les films d'animation dans les remises de trophées au niveau des musiques. Parce qu'elle l'a très bien souligné, un film d'animation, tu crées tout de A à Z, au niveau de la musique, mais des bruitages aussi, tout ce qui est sonore, c'est entièrement créé et c'est souvent très bien fait. Les trois nommés dans le long métrage d'animation le prouvent parfaitement. Et j'irais même plus loin en disant que ça serait bien aussi d'avoir. Pas forcément que pour l'animation, mais d'avoir une catégorie pour pour les acteurs de doublage, pour les comédiens de doublage, qui sont très importants et qui sont quasiment jamais remerciés. Ouais, je trouve c'est très bien que Loulou et Mademoiselle Kiki aient été récompensés. Mais ça aurait été bien qu'il y ait une meilleure reconnaissance de l'animation en général au niveau du cinéma français. Parce qu'on va le voir après pour les Oscars, c'est quand même à un autre niveau. En France, on a la chance d'avoir un très bon niveau d'animation, pas mal de choses qui se font, malgré les restrictions. Dû à l'environnement non favorable, et pourtant on les traite un peu comme des parias, voilà, c'était un peu mon coup de gueule sur le coup, voilà. Ça fait un peu écho à la première news quand on évoquait le souci pour l'Ascension du Mal de trouver des fonds pour faire en sorte que le film puisse sortir, quoi. Il y a un peu ce côté-là où bah, l'animation c'est bien, mais bon, ça coûte cher, et puis voilà, on peut pas mettre un acteur non plus en avance s'il fait le doublage, quoi. C'est toujours un peu le problème vis-à-vis de ça. Ou même le film de Sylvain Chomet, justement, c'est Oui. pareil, c'est le même problème. C'est vrai. Malheureusement. Surtout que Sylvain Chomet parle quand même, est un nom quand même qui est un peu connu. Bah, il a fait ses preuves, après, Voilà. peut-être c'est le film live qu'il a sorti entre-temps, qui lui a pas permis, justement, de mener à bien son nouveau projet, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, Chronos, Mathieu, tu vas nous parler des résultats des Oscars. Oui, alors les Oscars, donc déjà dans la catégorie de la meilleure chanson originale, donc ça fera plaisir à certains, c'est Let It Go qui a eu le prix, la fameuse chanson de la Reine des Neiges. C'est comment en français, le Toutoun? Moi, j'ai voté pour Libéré, délivré, pas pour Voilà, Let It d'accord. Go. Bon, malheureusement c'est la version anglaise, donc voilà. Et il y a eu la chanson Happy dans Moi chez Méchant 2, alors je me souviens plus c'est à Pharrell quel moment ça. Williams. Ouais, c'est C'est Pharrell Williams, ça l'anniversaire intervient. d'Agnès, ouais, c'est le tout début, Ah oui, c'est c'est ça. l'introduction. Et Bon, qui est voilà. la bande son qui est vraiment. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la bande son de Moi Moche et Méchant 2. Ah, tu vois? Et certainement la chose la plus réussie du film d'ailleurs. Ça Et donc dans la catégorie meilleur film d'animation, donc il y a eu La Reine des Neiges en nominé, Les Croods, Moi Moche et Méchant 2, Le Vent se lève et Ernest et ses Célestines. Et donc contre toute attente, c'est La Reine des Neiges qui a eu le prix. Ouais, Bon, c'est personnellement, dommage. je suis pas trop surpris, mais bon, je suis un peu déçu parce que il y avait vraiment de meilleurs films comme Le Vent se lève ou Ernest et Célestine. Ouais. Mais bon, malheureusement, Très c'est comme déçu ça. pour Ernest et Célestine. Ouais. qui méritait bien bien Céline. mieux. Ernest et Célestine, ils chantent pas, donc si, il y a des chansons Et oui, c'est vrai qu'il y a des dedans. chansons. Exact. Ils Et chantent pas. dans le meilleur court-métrage d'animation, c'est donc Monsieur Hublot qui a eu le prix, donc une coproduction franco-luxembourgeoise. C'est le studio d'animation Zelt Production qui a réalisé toute animation. Donc c'est plutôt pas mal justement pour une petite production en partie française, on va dire. Ça permet justement d'avoir une petite consécration justement à l'étranger. Ouais, et il y avait quand même une, enfin c'était dans l'animation que la France était le plus représentée, puisque Oui, en à part dehors de ça, l'animation, il y avait Julie Delpy qui était il y avait pas la vie d'Adèle qui était nominée? non, c'était même pas, Non, même je suis pas. même pas sûr dans la catégorie meilleur film étranger. Non, il y avait juste bah, Julie Delpy pour je sais plus comment il s'appelle son dernier film. Mais sinon, oui, c'était Monsieur Hublot, Ernest et Célestine L'espace pour Gravity. et moi, Moche et Méchant 2, et l'espace pour Gravity. Mais Ouais, sinon, voilà. je voulais dire qu'il y avait de très bons nominés dans chaque catégorie Ouais, niveau non, c'était animation. c'était un bon cru. Même le court-métrage était bien. Il y avait même Ouais. le court-métrage de Disney avec Mickey. Ouais. Il y avait le Possession aussi, un des courts-métrages de Short Piece, De Sharp Kiss, ouais. l'omnibus de je retrouve plus son nom. Ah là là, la De honte. Otomo. Otomo, voilà. Merci. Et d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, je trouve assez scandaleux qu'en France, en fait, Short Piece va être distribué uniquement avec le jeu Ah, de c'est vrai? Suda 51 sur PS3. Ah merde, j'attendais justement qu'il sorte en DVD ou en Blu-ray. Bah ouais, là on commence à avoir des trailers pour les Short Piece en fait en France. Sauf que c'est des trailers avec le logo Namco Bandai au début, et c'est précisé que ça sera dans le DVD, enfin dans le Blu-ray puisque c'est sur PS3, du jeu de Suda 51. Donc ça sera juste un bonus en fait. Ça sera juste un bonus. Et donc Bien dommage ça. je croise les doigts pour une distribution plus classique, mais si c'est pas le cas, ouais, je trouve ça vraiment dommage. Dommage, ouais. Ce qui est sympa quand même pour rapport au film de meilleur film, la catégorie, pardon, meilleur film d'animation, c'est qu'on n'a pas que de la 3D et c'est toujours agréable de voir des films en 2D. 2 sur 3, donc 2 sur 5, pardon, donc c'est quand même un Ouais. bon ratio. Ouais, et puis deux très très bons films, quoi. Surtout. Eh ben, puisque tu as la parole, je vais te la laisser. Parce qu'on va parler, tu vas parler même d'un autre film d'animation en 2D qui va sortir, dont la date de sortie a été précisée pour cette année. Oui, on en a parlé tout à l'heure, le prochain film d'Isao Takahata, des studios Ghibli, La princesse Kaguya, sortira le 25 juin 2014. Ça a été officialisé par Disney France, et donc c'est une très bonne nouvelle. Ça fera en très peu de temps, on aura Dragon 2 et Kaguya Hime, donc ça va être très très bien. Mois de juin en perspective, en tout cas. Surtout deux films Ghibli rapidement au cinéma consécutivement, puisqu'il y avait même pas 6 mois entre les dates de sortie du Vent se lève Exact. et Kaguya Hime, donc Un c'est. peu comme au Japon, et d'ailleurs, je crois que c'est Toshio Suzuki qui a dit que c'était une énorme erreur et que c'était la première et la dernière fois qu'ils faisaient ça, de sortir deux films la même année. Bah, étant donné ils ont pas non plus des effectifs moins Bah nombreux, hein. ouais, surtout que c'est deux films qui ont été commencés il y a très longtemps. Et puis bah c'est ça fait trop de ça fait certainement aussi trop de Ghibli en peu de temps. Ça va aussi. Et puis, sachant que, par exemple, Takata piquait des animateurs à Miyazaki, donc au bout d'un moment. Moi, je croyais pourtant qu'il voulait faire justement un doublé comme à l'époque de du Tombeau des Lucioles et de Totoro, où pareil, Ouais. ils avaient sorti leur film en même temps. Bah c'est d'après ce que j'avais compris au début, c'était ce qu'il voulait faire en effet. Sauf que à l'époque, Totoro et le tombeau des Lucioles, je sais plus en combien de temps ça avait été réalisé, mais c'était pas énorme. Alors que là, le vent se lève, ça doit faire 7 ans, je crois, qu'il est Dessus. en production, et puis celui de Takahata, on n'en parle même pas. Ça doit bien faire 12 ans qu'il est dessus. Donc niveau budget, ça doit commencer à être relativement conséquent pour un studio comme Ghibli. Alors, je vous parlais d'une bien triste nouvelle pour l'animation française, puisqu'on a appris au début du mois de mars le décès de René Borg à l'âge de 80 ans. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est René Borg, en fait, il faut savoir qu'il a réalisé la première série des Shadok, donc ces drôles d'oiseaux qui avaient été créés à l'époque par Jacques Roussel. Alors, les Shadok étaient notamment connus par rapport à la voix caractéristique de Claude Pieplu, puisque c'est lui qui narrait les aventures de ces pauvres oiseaux qui voulaient absolument retourner sur Terre sans y parvenir. René Borg avait également créé le personnage de Nono le petit robot de l'Ulysse 31, et s'était également occupé de la direction artistique des fameuses séries Il était une fois. Donc il y avait notamment Il était une fois l'homme et Il était une fois l'espace. Donc c'est C'est pas dégueu comme CV. Bah ouais. Bon. Il y a quand même beaucoup apporté pour l'animation en France, à la manière d'un Jean Chalopin également. Donc voilà, Chronos, tu vas nous parler, toi tu vas nous parler de la prochaine grille de programme de France 4, notamment en termes d'animation, qui revient un peu plus en avant. Tout à fait, donc ça arrive à partir du 31 mars sur France 4. Donc c'est en plus des séries pour les enfants qui diffusent justement le matin ou l'après-midi comme Wakfu ou plein d'autres. Ils vont justement tenter d'apporter une animation un peu plus adulte en proposant tous les soirs à partir de 23h15 la série Monster qui adapte une manga de Naoki Urasawa, excellent manga au passage, ainsi que la série Archer, qui est une série américaine qui est en fait une grosse parodie des OSS 117 ou des Mad Men, justement, où ça raconte l'histoire d'un espion un peu dragueur, un peu con surtout. C'est très corrosif comme série, j'avais regardé quelques épisodes, c'est dans un style très cel-shading, donc ça fait un peu penser à South Park dans l'humour, en moins crade quand même. C'est assez drôle, c'est franchement, elle mérite vraiment d'être découverte, donc c'est bien que France 4 propose deux séries comme ça qui changent un peu des séries pour les enfants. Si ça permet d'amener de nouvelles séries comme ça, franchement. Ouais, surtout qu'il y a Last Man aussi qui devrait Ah oui, pas tarder à arriver. c'est vrai, Parce c'est vrai. que je sais plus, c'est dans il y a deux podcasts, il me semble, où on en a parlé. Ouais, parce que De c'est une série de projets, je crois, justement. ouais, ils ont une demi-douzaine de séries en projet. Donc dont Last Man. De Bastien Vivès, Balak, qui s'annonce, enfin voilà, le manga est plutôt, Très enfin le réussi. manga, la BD est La BD, plutôt ouais. très très réussie. Lapsus Et révélateur. non, bah il y a beaucoup d'influence, donc. Mais sinon, Monster aussi a été là ce soir, il y a pas très longtemps, au moment où on enregistre. Ça a été annoncé pour le 5 avril. Le premier épisode. D'accord. Et ça serait tous les samedis soirs. Ah, c'est pas tous les soirs de la semaine, du coup, Non, c'est en que tous fait, les je samedis pense soirs. qu'ils vont faire un créneau tous les soirs de la semaine à partir de 23h15. Avec plusieurs épisodes. Avec ouais, plusieurs une série par soir ou un truc dans le D'accord, genre, ok. je Non, en pense. fait, ce sera d'abord, en fait, il y aura, moi, par rapport à ce que j'ai au niveau des informations, ça sera diffusé à partir de 23h15. Et ce sera Monster et ensuite Archer. Archer. Archer, pardon. J'ai pas la française, mais voilà, Ouais. c'est comme ça en tout cas que ça a été présenté Ok. au niveau du fonctionnement. Et de ce que j'ai compris, donc là c'est vraiment un repositionnement de France 4 parce que ça marche pas très bien, ils savent pas trop se placer, c'est assez, ils savent pas trop quoi faire de France Télévisions de France 4. Et là du coup c'est un vrai repositionnement. C'est un peu dommage quand même pour une chaîne de télévision de pas savoir quoi diffuser, quoi. Ben c'est pas qu'ils savent pas quoi diffuser, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur bonne Ils avaient bien fonctionné à un moment, ils étaient sur une belle optique, notamment pour une chaîne de jeux, bah, pas jeunesse, mais jeunes adultes qui n'étaient pas. Ouais, avec bah, pas mal de créations, il y avait eu déjà Doctor Who qu'ils ont beaucoup beaucoup passé, et il y avait les créations comme HeroCorp ou des web-séries à la base, enfin c'était pas une web-série mais les Visiteurs du Futur aussi, C'est un peu des un créations laboratoire, françaises, voilà. c'est un vrai labo, la chaîne. Voilà, du coup ils abandonnent un peu ça parce que ça marche pas si bien que ça, pour se recentrer plus sur une chaîne jeunesse dans la journée, et notamment ils ont annoncé les Lapins Crétins, ça va être un de leur fer de lance quoi, la reprise de leur label jeunesse, Ludo, et puis je sais plus comment ça s'appelle, Midi les zouzous. Midi les Zouzous. Donc ça va être pas mal de dessins animés de ce truc-là, de En ces deux fait, marques-là. ils reprennent tous les programmes de France 3, en quelque sorte, les programmes Bah jeunesse. c'est France 3, France ça, 5. plus eux, les programmes France 4 qu'ils avaient déjà, Ouais. donc Avengers, trucs comme ça, les comics le week-end. Et puis voilà, en fait, plus ils vont évoluer dans la journée, plus ils vont augmenter l'âge des programmes. Et pour finir, justement, avec ce qu'ils veulent amener, c'est de l'animation pour adultes, en fin de journée et en soirée plutôt. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme placement. Et si ça peut nous apporter, bah là justement, Monster, Archer, Last Man, et certainement d'autres surprises par la suite, notamment au niveau animation japonaise, je pense. Surtout que France 4 avait permis à l'époque, notamment au milieu des années 2000, déjà apporter pas mal d'animations. Je me souviens de séries japonaises comme Hetgeiji ou alors Witch Hunter Robin qui n'étaient pas de l'animation pour enfants, mais vraiment des choses Ouais, un peu plus costaud, quoi. Enfin, un plutôt peu plus costaud. punchy et avec un propos, on va dire adulte en tout cas, qui peut, Adolescent. voilà, au moins adolescent adulte. Donc c'est intéressant de voir. Si, admettons que ça marche, de te revoir un peu plus d'animation, ça c'est toujours plaisant. Ouais, c'est surtout ça. Ça fait une belle vitrine pour l'animation. Vu que, bah, à part D17 actuellement, où il passe Saint Seiya, Ça je serait vois. Omega. Oui, pardon. Enfin, on a peu d'animation à partir de la fin de matinée. Il n'y en a plus sur les chaînes, quoi. Même le mercredi matin, comme nous on a fait à notre époque, enfin, on va pas faire le débat non plus, mais il y a quand même une place beaucoup moins importante mis à part les marathons Simpson tous les soirs sur W9, pas forcément C'est vrai. beaucoup d'animation. Ah, bon, faut pas oublier de dire non plus que l'animation c'est aussi quelque chose qui coûte pas trop cher par rapport à des séries ou par rapport à des productions, d'autres productions, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et C'est puis moins lourd en termes de coût. je pense que vu qu'on a pas mal de séries de production française, c'est pas mal aussi pour les quotas Oui, c'est vrai. au niveau français, avec je sais plus le nom de cette loi, où on est obligé de passer un certain pourcentage de Une création française. production française, de création française sur les chaînes. Donc ouais, c'est vrai que bah, toutes ces productions-là, les Ludo, Midi les Zouzous, les Lapins Crétins, tous ces trucs-là, bah c'est aussi de la production française, donc c'est vrai que ça coûte pas cher, et puis ça participe au quota. Ça coûte pas cher parce qu'en plus c'est de la rediffusion, donc forcément Oui, en plus. voilà, pour eux c'est comme ils le disent. Alors c'est marrant parce qu'ils disent ça, voilà, ils disent bah oui, mais la génération se renouvelle tout le temps, donc c'est pas non plus les mêmes enfants de 6 à de 3 à 6 ans qui regardent ça. Donc dans un sens ils ont raison, mais après ça Il peut être faut des intéressant séries aussi. de 3 saisons. Oui, voilà. Et je pense qu'il devrait remettre aussi Pingu, ça Et c'était une bonne série, ça. ouais, Pingu, ouais. j'ai regardé J'ai regardé un épisode l'autre jour suite au podcast sur le stop motion et c'était vraiment marrant. Je me suis bien éclaté à revoir Et ça. ça pas si vieux que ça, hein. Non, non, non, bah c'est le côté stop motion dont on a parlé qui est assez intemporel en fait. Ah bah, puisque tu as la parole, Tonton, donc on a terminé, excusez-moi, avec les news. On va maintenant s'intéresser au box-office. Alors, il y aura des films dont on va parler, dont on va vous parler dans le dossier de ce soir. Mais, on trouve aussi, c'est que des films et ils sont sortis au mois de février, donc on va voir ce qui a pu fonctionner. Non, Voilà. il y en a un qui est sorti au mois de janvier. Oui, minuscule, Et mais c'est bon, fin janvier. minuscule et c'est plutôt un joli carton pour ce film. Enfin, moi, ça, vraiment, je m'attendais pas à ça. Il fait donc au ch chiffre du 26 février, il fait 1 224 000 entrées. Donc sur 5 semaines, il était encore à 811 copies. Donc c'est vraiment un très très joli score. C'est le. Actuellement, enfin, au 26 février, c'était encore le film d'animation avec le meilleur nombre d'entrées en 2014. Donc c'est assez étonnant. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Ensuite, on a Tempête de boulettes géantes 2, chiffre arrêté au 12 février, qui fait 320 000 entrées. Donc en 2 semaines, et Jack et la mécanique du cœur qui fait 307 000 entrées, pareil en 2 semaines. Je trouve ça vraiment faible, surtout pour Tempête de Boulet Jam 2, qui avait plutôt bien marché le premier, il me semble. Comme le disait Chronos il y a quelques émissions de ça, il y a aussi le problème de la programmation, alors notamment sur Paris. Ouais, Ouais. c'était assez désastreux. Ouais. Je pensais que Jack avait mieux marché que ça, justement, il avait fait un bon démarrage au début. Après, on Mais est... la première semaine, il était déjà derrière Tempête de Boulet Géant 2. Ah ouais. Ouais, ils avaient fait 200 000, je crois, sur les premières semaines. Après, Sur la première semaine. on oublie qu'on est sur des chiffres qui ont plus d'un mois, donc j'en ai pas forcément des chiffres plus récents. Ouais, mais vu ce qui est arrivé derrière, à mon avis. Et Ils se sont puis, retrouvés noyés par... Jack a été déprogrammé très vite. Et Tempête de Boulet Géant 2, il me semble qu'il est encore. Enfin, moi, de. Par chez moi, il est encore en salle un petit peu, mais c'est le mercredi, samedi et dimanche. Et il doit y avoir 3 séances à la journée. Il est clairement en fin d'exploitation. Et puis bon, derrière, donc il y a eu. Donc, on va parler rapidement de Tarzan. En première semaine, il fait 155 000. Bah voilà. De toute façon, on l'attendait pas vraiment à plus. Je crois que personne n'attendait, donc personne ne voulait l'attendre. ouais, c'est ça. Il est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi. Il a eu une promo une ou 2 semaines avant, et puis avant, on n'a quasiment rien vu au niveau des images. C'était assez. C'est assez impressionnant parce que c'est un film qui aurait pu sortir dans 2 mois, il aurait sûrement eu, bah, je pense, Bah, même peut-être, ce mois-ci, hein. oui. C'est Même au mois de mars. beaucoup plus calme au niveau des sorties d'animation, et voilà, il y aurait eu certainement un éclairage plus important, même si les critiques n'ont pas été non plus très bonnes vis-à-vis de ce film. On n'a pas vu le film, donc on ne pourra pas vous en parler aujourd'hui, mais pour le coup, il a pas il aurait gagné à être diffusé plus tard, parce que là, sur l'embouteillage du mois de février, c'était un peu dommage de le voir maintenant. Ouais. Et donc, du coup, on en arrive aux deux grosses sorties de février, surtout une. Monsieur Peabody et Sherman, donc le nouveau DreamWorks, qui fait 1 106 000 entrées en 4 semaines. Ce qui est un très joli démarrage, surtout au milieu de toutes ces sorties. Cela dit, je pense pas qu'il fasse énormément plus. Il a la chance de derrière avoir un mois de mars sans aucune sortie à part Patema en animation. Il est en concurrence avec la grande aventure Lego, donc je pense qu'il peut rester encore quelques semaines en salle, mais bon, il fera pas. Ça m'étonnerait qu'il fasse les 2 millions. Et il me semble qu'aux États-Unis, Il est encore au cinéma, mais il a mis du temps à démarrer. Il me semble que justement, ça, au départ, c'était pas glorieux au niveau des entrées, et Ouais. là, ça commence vraiment à se lancer. Je crois qu'il y a un petit bouche à oreille qui fonctionne assez parce que, justement, ils avaient peur que les résultats soient désastreux comme pour les cinq légendes, et ça commence à remonter petit à petit. D'accord. Bah on peut on enfin ça serait pas mal du coup qui fasse qui que ça arrive que ça enfin qui lui arrive la même chose en France. Et du coup, on en arrive à la grande aventure Lego qui fait 1 187 000 en 3 semaines. Il lui reste 538 copies. Je pense que enfin voilà, ça va être un des films de l'année. Il fait enfin il fait un bon démarrage et enfin personnellement, je lui vois plus d'avenir que Monsieur Peabody et Sherman. Même si il prend nettement moins bien en France qu'aux États-Unis quand même. Ouais, je pense que la marque est pas aussi forte qu'aux USA. C'est possible, oui. Mais donc voilà les deux grosses sorties, La Grande Aventure Lego et Monsieur Peabody et Sherman, et qui seront certainement les deux films, les deux plus gros films jusqu'à Dragon. En juin prochain. Et juste pour terminer par rapport à ça, ce qui peut aussi expliquer que le mois de février était aussi si abondant en termes de films d'animation, c'est parce qu'il y avait notamment les vacances scolaires, et aussi de drainer beaucoup de monde et de familles dans les salles de cinéma. Oui, Plus il y a ça, mais c'est ouais, d'habitude les centres c'est pas aussi non, aussi fort, j'ai l'impression. c'est pas si fort en termes de sorties, Ouais. en termes de nombre de sorties. Alors, Et est-ce surtout que que c'est le néant derrière, quoi. Ouais, Il y c'est a ça, rien ouais. par la suite, quoi. C'est deux extrêmes, quoi. Y a aussi l'opération couplée du printemps du cinéma qui a permis aussi de se dire. Ah, mais le printemps du cinéma, C'est 3 jours. c'est maintenant, là, en ce moment. Donc, Oui, c'est vrai. c'est 3 jours, c'est fin Exact. mars. Et il y a des films. Enfin, la plupart des films dont on a parlé, ils sont sortis il y a plus d'un mois, quoi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, Donc, c'est un peu ouais. de ça plutôt que ça. Du coup, enfin, je pense qu'il y avait peut-être plus à faire sur certains films comme par exemple Jack et la mécanique du cœur, à sortir des films qui se laissent tenter à 3,50 € quoi, et peut-être moins à 8 €. Donc Surtout, ouais. Donc voilà pour le box-office. Alors on va vite fait parler des films à venir, donc pour le mois de mars. Alors on va vous parler d'un film live. Mais que se passe-t-il? Donc en fait c'est un film, vous allez comprendre tout de suite, qui s'appelle donc Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney. Donc ça dans le titre des informations. Donc le film raconte l'histoire de la genèse du film Mary Poppins, adapté du livre éponyme écrit par Pamela Lyndon Travers. Je sais pas si on dit Travers, ou je sais pas exactement la prononciation, c'est pas grave. On retrouve, c'est un gros film, parce qu'on retrouve la distribution, notamment, entre autres, Tom Hanks, Emma Thompson ou encore Paul Giamatti. Et donc, le film est sorti au début du mois de mars, à savoir le 5 mars, plus précisément. Et donc, voilà, Mary Poppins, c'est quand même c'est un film, notamment, qui mélange des séquences live et des personnages animés en fond. Donc, voilà pour ce film qui a l'air d'être pas mal, quand même, hein. Malgré, en tout cas, le sujet intéressant. Ouais, moi ça me tente bien aussi, mais on en parlait avant l'émission avec Chronos. C'est peut-être pas le film qui nous ferait aller au cinéma. Ouais, c'est, enfin, moi après, c'est plus ce sujet que je suis pas spécialement intéressé personnellement, mais c'est pour ça, c'est au cinéma, je sais pas, c'est, en fait, le problème, c'est que il y a un côté biographique documentaire. C'est ça le problème, c'est que effectivement on regarde des biographies au cinéma, mais là on sent vraiment que c'est un peu plus académique au niveau du traitement. Après je me trompe peut-être, mais Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment a été fait le film, parce que je sais qu'il y a une place importante qui est donnée aux personnes qui s'occupent du storyboard, notamment, bah, déjà, ce sont des acteurs qu'on va voir, mais c'est aussi une façon de voir comment peut être un film, comment, voilà, voir un peu ces étapes de production et de création. Même si, évidemment, le plus important n'est pas là, mais c'est toujours intéressant de voir l'envers du décor à travers un film. Donc, alors, second film, alors là, on va vous parler d'un film d'animation. Et évidemment, donc c'est un film un peu surprise parce qu'il a été annoncé assez récemment. Notamment pour la sortie française, c'est Pathéma et le monde inversé. En ce qui concerne l'histoire, ça se passe après une catastrophe écologique où la Terre se retrouve séparée en deux mondes inversés, ignorant tout l'un de l'autre. Dans le monde souterrain, Pathéma, 14 ans, adolescente espiée et l'aventurière rêve d'ailleurs. Sur la ferme, la Terre ferme, pardon, Agé, je pense. Lycéen mélancolique a du mal, je sais pas, du mal à s'adapter à son monde totalitaire. Donc le hasard va provoquer la rencontre de deux adolescents en défiant les lois de la gravité. Et donc c'est prévu pour sortir le 12 mars. Donc à l'heure où on enregistre, c'est déjà sorti le 12 mars. Voilà, c'est un film qui a l'air assez, notamment par rapport au traitement, par rapport au sujet, qui a l'air assez intéressant. On attend, moi j'attends de voir un peu quelles pistes peuvent être abordées pour. J'aime beaucoup l'affiche. Oui. Et sur les magazines, c'est marrant parce que ils s'amusent à mettre des têtes inversées sur la couverture, c'est drôle. Ce que je disais, ça me faisait penser vachement à un film qui s'appelle Upside Down avec Kirsten Dunst qui est sorti il y a un ou deux ans, je crois, et Il qui y a parle un an, il justement, me pareil, semble. de monde, ouais, il n'y a pas longtemps, et qui parle justement de monde inversé aussi, et ça vachement fait penser à ça. Alors peut-être que l'histoire est très différente, t'as rien à voir, mais vrai, je suis assez surpris en fait que personne n'ait fait le rapprochement. Ah si si, le rapprochement était fait, j'ai Ah vu oui. sur plein de sur Twitter, sur des forums et tout, sur les commentaires des news. Il y en a beaucoup qui ont fait le rapprochement. Il y a eu une mini polémique sur qui a copié qui en fait. Bah après, peut-être que le film a été fait il y a un moment, hein, je sais Oui pas oui, trop. bah déjà il est sorti il y a un an je crois au Japon. Et en fait la production des deux sont faits quasiment en même Ouais, temps, en je même crois. temps, ouais. Ouais, c'est Donc coïncidence. ouais. Bah ça arrive, hein. C'est pas Oui, ça arrive. non Non, mais c'est plus pas. un truc qui est totalement enfin c'est pas du jamais vu non plus cette Non, non. thématique-là. Bah, c'est pas quelque chose qui ne me fera pas aller le voir, hein, non plus, mais c'est vrai que c'était assez curieux. Dans l'esprit, on se rappelle forcément de Fourmise et de Mille et une pattes, hein. Il est Oui, voilà. sorti aussi quasiment en même temps. Après, c'est vrai que le traité et les propos étaient différents aussi, donc c'est vrai que ça permettait d'avoir deux points de vue différents. C'est Ouais. sûr. Toon, tu vas nous parler rapidement des sorties vidéo, alors notamment une grande livrée de Blu-ray de chez Disney. Ouais, des Blu-ray classiques, enfin Blu-ray et DVD d'ailleurs, avec Oliver et compagnie, Cusco. Atlantide, La Planète au Trésor, Lilo et Stitch, La Ferme se rebelle et Mary Poppins. Donc ils sont sortis début mars un peu partout. Voilà, on peut les trouver très C'est pas facilement. forcément les meilleurs, en tout cas pas les plus connus. Oh, Lilo Ah et bah Stitch quand même. enfin, Oui, Lilo et Lilo et Stitch, Stitch, ouais, ouais, mais Oliver et Cusco compagnie. surtout. Ouais, Cusco, il est génial, quoi. je Je pense pense notamment Oliver et compagnie qui est un peu Ouais. dans. Puis La Ferme se rebelle Ah, la ferme se quand rebelle. même. La Ferme se rebelle, c'est un peu le film qui a fait dire à Disney, bon bah finalement on va peut-être arrêter à donner. Si on veut gagner de l'argent, on va peut-être se mettre à la 3D. Ben voilà, Fallait je qu'il pense fasse un que. meilleur film aussi, hein. Oui. La forme n'est pas plus importante que le fond, et d'ailleurs le fond est souvent plus important que la forme pour donner envie d'aller voir un film. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette première partie de news qui était quand même assez dense. Pas mal de sujets de conversation sur le mois de février. Alors on ouvre tout de suite. Alors c'est à la fois notre cahier critique et c'est à la fois notre dossier puisqu'on va s'intéresser à l'avalanche du mois de février en ce qui concerne les sorties de films d'animation au cinéma. va tout de suite même commencer par Minuscule. Alors c'était, on va vous dire à chaque fois c'était vu par qui et voilà. Donc c'était vu par moi et par Chronos. Donc c'était réalisé par Thomas Szabo et Hélène Giraud, qu'on avait déjà en fait, ils connaissent déjà bien l'univers parce qu'ils ce sont eux qui ont travaillé sur la série d'animation qui était diffusée sur France 5, je crois, de mémoire, et qui a connu son petit succès. Et donc le film, alors il n'est pas sorti en février, mais sorti fin janvier. Être ici, parce qu'on a pu le traiter notamment dans le podcast précédent. Alors, en ce qui concerne l'histoire, alors ça se passe dans une paisible forêt où les reliefs d'un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis combattant le même butin, à savoir une boîte de sucre. C'est dans cette tourmente qu'une jeune coccinelle va se lier d'amitié avec une fourmi noire et l'aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges. Alors déjà Chronos, qu'est-ce que toi t'as pensé notamment du traitement graphique du film? Ouais, alors du coup c'est un mélange. En gros le principe c'est comme la série, c'est que c'est filmé live et c'est des personnages qui sont tout en 3D qui sont intégrés justement dans les plans live. Alors du coup moi j'ai trouvé ça plutôt bien avec quelques réserves quand même parce que autant je pense que pour les enfants qui sont âgés de 4-5 ans c'est très très bien franchement c'est vraiment l'histoire se lit bien, et comme il n'y a pas de parole, ça communique que par onomatopée, ça marche très très bien, c'est très compréhensible. Après, je pense que pour les gens un peu plus âgés, on va dire, c'est un peu plus compliqué parce que le film, en fait, il est très très premier degré, il n'y a pas trop de seconde lecture. Le rythme est assez long parce que le film est assez court, mais pourtant, personnellement, dans la séance, je me suis un peu pas fait chier mais presque parce que au niveau du rythme dans les blagues dans l'action en fait ça insiste lourdement sur les gags sur les bruitages des personnages choses comme ça et surtout que dans le film j'ai pas trouvé l'intérêt de porter ça au cinéma c'est-à-dire qu'au niveau du scénar en fait ça fait très épisode que ça manquait vraiment d'ambition pour le porter au cinéma il y a vraiment des passages qui m'ont beaucoup plu surtout le passage sans trop spoiler avec l'araignée dans la maison de poupée où visuellement c'était vraiment vraiment très joli il y avait vraiment des très belles choses même au niveau de l'histoire c'est vraiment intéressant mais à part ça c'était très classique et du mal vraiment à me plonger dedans complètement en fait c'est très bien à voir je pense que vraiment pour les enfants c'est super bien mais c'est pas non plus extraordinaire quoi. Ouais, je suis un peu dans, bah, je pense un peu la même chose que toi. Il y a vraiment des longueurs, même si le film est court, on a l'impression qu'il est quand même très long au niveau du rythme. Ouais, parce que ouais, ils insistent vraiment sur des blagues. C'est Bah très. il y a des longueurs qui sont pas forcément bienvenues, quoi. C'est vrai Ouais, voilà. que, c'est toujours aussi le risque un peu en n'ayant pas de dialogue dans un film, puisqu'on est, comme tu disais, on est vraiment que sur des onomatopées pour se faire comprendre entre les. Mais après, c'est une question de rythme. Dans Wall-E, par exemple, le premier tiers sans dialogue, ça marche très bien et il n'y a pas C'est besoin vrai. de. Enfin, je pense que là, c'est vraiment une question de. Après, c'est peut-être le côté trop classique, trop français justement, et j'ai l'impression qu'ils ont été un peu freinés au niveau ambition et que, ouais, comme je te dis, le passage avec l'araignée dans la maison poupée, j'ai vraiment trouvé cool parce que ça amenait vraiment de nouvelles choses. Il y avait vraiment comment dire, des thèmes intéressants justement avec la petite araignée et la grenouille justement. Même visuellement, il y avait vraiment des trucs intéressants dans ce passage-là. Et je me suis dit, tiens, à ce moment-là, c'est pas mal quoi, ça remonte un peu l'intérêt et juste après ça revient dans l'histoire classique. J'étais un peu déçu de ce côté-là. Ce qui est intéressant par contre, c'est justement le traitement, notamment le décor réel avec de la 3D pour les animaux. Je trouve que c'est une piste qui peut être intéressante, notamment quand une production n'a pas forcément énormément de budget. En plus, on est sur des décors quand même qui flashent beaucoup parce que C'est en forêt, ouais, c'est en c'est. forêt, c'est très lumineux. Bah Mis à c'est part un moment où il pleut, voilà, il y a quand ouais même ça permet d'avoir un joli travail sur la couleur et sur la lumière surtout. non et puis il y a des passages que tu sens que c'est un peu retravaillé mais il y a un moment donné où il s'abrite en dessous d'un champignon par exemple au début du film quand il pleut justement Et cependant là, tu vois, au niveau de la compo, au niveau de la lumière, c'est vraiment super joli, quoi. Il y a plein de plans qui sont comme ça, qui sont vraiment beaux. Après, malheureusement, je trouve qu'il y a des passages, genre par exemple, quand ils sont poursuivis par un poisson, et que il y a le plan justement où on les voit tomber au ralenti le long de la cascade, et on a vraiment le temps de voir l'intégration des personnages sur le décor, et là, malheureusement, ça fait un peu mal, quoi. C'est comme tous les plans de vol où la caméra est un peu plus rapide et on suit les personnages, on sent que c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Parce que le rapport de taille entre la petite coccinelle et la caméra qui fait vraiment un truc à la Star Wars, ça fait vraiment un truc assez chelou et je crois que ça marchait pas forcément parce que la caméra restait vraiment au-dessus du sol et elle passait pas à travers les feuilles ou des trucs comme ça, tu vois, donc c'était un peu léger. Ouais, c'était assez limité, ouais, c'est sûr. Hein. Voilà, c'était pas non plus. Bah, fallait pas, je pense que fallait pas non plus s'attendre à quelque chose d'énorme, mais bon, le fait d'avoir utilisé cette technique-là permet plutôt comment dire, de limiter la casse, entre guillemets, évidemment, hein, parce que c'est quand même assez joli et de le faire, mais voilà, si le film avait été fait complètement en 3D, je suis pas sûr qu'on aurait atteint ce niveau-là. Ah non, mais le film est plutôt, enfin franchement, il est pas mauvais, hein, il est très très bien, mais c'est vraiment destiné aux petits, je pense. Les Grosse petits vont dédicace s'éclater. au jeu d'acteur au début des deux acteurs Ouais, humains. ouais, c'est assez balèze. Hein. Tu sens qu'ils sont pas très doués pour les films live. Ouais, voilà. C'est très, comment dire, oui. Très mauvais, on va dire, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas l'intérêt n'est pas là non plus, évidemment. Non, Mais non, c'est sûr. ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est la réaction des fois bah, notamment des animaux, je pense même à la fourmi quand ils découvrent le sucre. Et plein de petites choses, voilà, des choses, bah, ce qui est normal, parce qu'on va dire, tout l'intérêt du film, toute la communication va passer par les onomatopées et par les réactions des personnages. Donc, c'est vrai que quand il faut que ce soit drôle, faut quand même arriver à mettre des postures ou des réactions qui sont un temps soit plus réactives et qui permettent aussi de rigoler, quoi. Bah c'est ça, après ils sont vachement restreints parce que tu vois un film comme Wall-E, ça marche aussi parce que le personnage il a énormément de détails, en fait il a ses yeux qui font des rotations, il s'exprime vraiment beaucoup par le geste. Là une coccinelle bah, elle bouge ses yeux et elle marche, en fait c'est tout ce qu'elle Et fait, donc voilà. du coup c'est vachement limité et tout ce qu'ils peuvent faire en fait c'est mettre le dialogue par le bruit et du coup bon, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'une petite déception, notamment en ce qui concerne le rythme, parce que je crois que je me suis endormi à deux, trois reprises, je suis un peu désolé par rapport à ça. Pourtant, il est vraiment pas long, hein. Je crois qu'il dure une Une heure et heure demie à peine. vingt, ouais, une Ouais, heure et quelque chose demie. comme ça. Mais pour le coup, il y a des moments où, comme tu disais, c'était vraiment très long, et du coup, t'attends avec impatience la scène suivante qui arrive, parce que sinon, voilà. Il y a vraiment ce problème de rythme-là. Il y a des choses qui sont sympathiques, je trouve, notamment la poursuite à un moment, qu'on voit notamment dans la bande-annonce, hein, où ils se retrouvent, finalement, c'est la 4L qui sauve les fourmis Ah oui, ouais. coccinelles. Oui, ça c'est marrant, ça. Ça marche bien. Plutôt bien amené. Parce qu'en plus, nous, à l'autre niveau, c'est marrant, parce qu'on voit on entend la voiture arriver, donc tout est normal. Par contre, quand on se met au niveau des animaux, il y a le bruit tout autre et on sent vraiment la menace qui est très forte. Et donc, ben voilà. Je pense qu'on a tout dit au niveau du film. Plutôt pour les enfants, en tout cas. Oui, Voilà. principalement, ouais. Allez le voir avec vos enfants, avec vos neveux, vos nièces, Vos petits-neveux. vos petits-neveux aussi. Donc voilà, c'est donc minuscule et ça doit être toujours toujours disponible aussi au cinéma dans certaines salles. Alors voilà, on va passer à un film d'un tout autre calibre. Flint? Sam, Super Scoop, je retourne à Swallow en château pour détruire le Flint Finifer qui crée des monstres de nourriture mortelle qui apprennent à nager pour pouvoir coloniser la planète. Je viens avec toi. Quoi? Attends! Mais il y aura des dangers mortels! Il y a peu de chances qu'on s'en sorte! C'est pour ça qu'on aura besoin d'aide. Si tu rentres à la maison, je rentre moi aussi. Nous allons voyager en utilisant mon tout nouveau livre à domicile. À plus tard, mon brave compère de laboratoire. Ça marche. Banane. Ok, on y va en battant. Que ma machine ait créé tout ça. C'est juste magnifique. Ce serait pas des gobes à bois, ça? Oh, des flamingues! Oh, mais c'est quoi ça là-bas? Ça, c'est une tomate. Non, non! J'aime ça moi aussi. C'est à moi. Non, non, à moi. Donne-moi ça. Non, non. Pourquoi je discute avec un cornichon? Si vous avez le goût de l'aventure. Accrochez-vous! C'est pas le moment de paroter! Et si sauver le monde vous fait saliver... Ah. Ah. Diane, il s'est confituré dessus. Alors, préparez-vous à déguster. Courez! Ce sera pas d'attaque! Grand babouin, Steve! Grand babouin, Steve! Grand babouin, Steve! Tempête de boulettes géantes 2, alors réalisé par Cody Cameron, qui a notamment travaillé sur Shrek 4 et Les Rebelles de la Forêt 3. Je savais même pas qu'ils en avaient fait un 3 pour Les Rebelles de la Forêt. Et Chris Byrne. Alors, l'histoire. Alors, l'île des miens animaux, parce que c'est le sous-titre de Tempête de Boulettes Géantes 2, nous entraîne dans les nouvelles aventures de Flint Lockwood. Inventeur d'une machine capable de transformer l'eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire, parce que son invention avait déchaîné des plus torrentielles de cheeseburger et des tempêtes de spaghetti menaçant toute la planète. Mais voilà, en fait, la machine elle n'est pas non plus complètement décédée. Et en fait, elle transforme ce qui apparaissait comme de la nourriture en animal surtout. Et d'où le nom de l'île, puisqu'elle s'appelle l'île des biens animaux. Alors on a été trois à le voir, donc il y a Chronos, Tuntun et moi-même. Alors Tuntun, qu'est-ce que tu en as pensé de ce deuxième épisode de Tempête de Boulettes Géantes? J'ai bien aimé, j'en attendais beaucoup, et c'est peut-être parce que j'en attendais beaucoup que, je sais pas, on va certainement en discuter avec Chronos notamment, parce qu'on est plutôt pas tout à fait d'accord. Ah bon? Mais ouais, j'ai bien aimé, disons que je me suis vraiment marré pendant toute la séance. Je l'ai trouvé vraiment drôle. Alors après, il y a des choses qui m'ont pas plu. Certains points trop poussés ou l'histoire qui est pas très intéressante. Mais j'ai bien aimé les situations et les personnages qu'on retrouve du premier, alors même si forcément, enfin ils ont très peu évolué finalement, et ça fait un peu partie des points, notamment le père qui est mis à l'écart pour on ne sait quelle raison, qui je trouve assez étonnant en fait, et on retourne un peu à un statu quo de par rapport au premier film. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est un film que j'ai trouvé vraiment agréable. Et par contre, j'en retiens pas non plus énormément de choses. Donc avec le recul, en fait, en sortant de la séance, j'étais vraiment satisfait. Et avec le recul, c'est vrai que c'est pas un film extraordinaire comme l'était le premier, quoi. C'est même plutôt une déception de ce point de vue là. Il tient pas à tête au premier, et c'est un petit peu dommage. Mais malgré tout, ouais, c'est vraiment c'est assez ambigu comme truc, paradoxal plutôt parce que j'ai bien aimé, et en même temps avec le recul, je suis plutôt déçu. C'est assez étonnant, ouais. Alors, tu disais que Chronos et toi n'étiez pas d'accord, et du coup, Chronos a quatre sujets. Sur quatre sujets. Oui, tout simplement parce que je l'attendais beaucoup et que je n'ai pas du tout aimé. Déjà, le fait que les réalisateurs ont changé, c'est plus, Je ne me souviens plus du nom, je vais retrouver Phil Lord et Chris Miller, voilà, ceux qui ont fait le premier. Phil Lord et Chris Miller qui sont partis faire Lego Movie, surtout. Voilà, exactement, ceux qui sont partis faire Lego The Movie. Et qui sont plus là, et que du coup, ça se sent, quoi, c'est qu'au niveau de l'histoire, il y a vraiment un gros problème, c'est que, pour résumer, en gros, ils ont un caractère au début du film qui n'évoluera jamais pendant tout le film, en fait. C'est que à la fin du film, ils se retrouveront exactement dans la même situation qu'ils étaient au début, avec quelques évolutions par rapport à l'île, mais en gros, on sent que dans le film, il n'y a pas eu de travail justement au niveau des personnages, il n'y a pas eu de nouvelles choses, les personnages sont vraiment les mêmes, alors que dans le premier, il y avait vraiment une évolution de tous les personnages qui évoluaient pour devenir meilleurs, pour devenir quelqu'un de bien, ou justement s'émanciper de leurs conditions, tout ça, et là... Il y a peut-être le père, justement, qui... Le père, c'est pareil, ouais, voilà, c'est un bon exemple, parce que le père, il est... Enfin, il y avait tout ce travail dans le premier, où justement, il n'arrivait pas à parler à son père, il était complètement bloqué, et dans le deuxième... c'est un peu pareil, et il finit par pêcher avec lui, quand même. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas extraordinaire. Enfin, dans l'idée, pêcher avec lui, il aurait pu le faire à la fin du premier, quoi, c'est... Voilà. Et c'est surtout il y a aucune raison à ça, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est, enfin, quand il laisse de côté, moi, personnellement, j'ai pas compris pourquoi. Ça avait aucun intérêt. À part mettre en avant les cornichons. Oui, c'est ça. Sont une espèce de parodie des Minions. Oui, c'est un peu ça. Mais il y a des dizaines qui sont marrants. Les cornichons, ils sont bien marrants. La fraise, la petite fraise, elle est rigolote aussi. Mm. Mais c'est comme le méchant, par exemple. Le méchant, il a une animation qui est assez particulière, qui fonctionne bien au début. C'est assez surprenant. Mais ouais, ça devient agaçant au bout d'un moment, quoi. C'est qu'au début, tu dis, c'est marrant. Justement, il est très flexible, c'est beaucoup de courbes justement, et ça marche super bien. Et au bout d'un moment, ils arrivent pas à s'arrêter, et ils jouent que là-dessus, mais sans amener de nouvelles choses, en fait. C'est toujours ça, et ça devient agaçant. C'est assez bizarre, justement. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Les mecs, ils ont pas réussi à s'arrêter à temps, et du coup, ils ont laissé un personnage faire toujours la même chose, et être juste méchant, et tout courbé, en quelque sorte. Il y a quand même c'est pas mal quand même, ces animations. Techniquement, c'est pas mal, ouais. Non, mais c'est bien foutu, hein, ça. Y a rien à dire au niveau des animations, ils sont toujours assez balèzes, mais ça empêche pas que, ouais. En fait, le problème, c'est que le film, on n'arrive pas à se plonger dedans parce que l'histoire est pas intéressante, tout simplement. Ils avaient du potentiel, quoi. Après, il y a quand même un gros travail au niveau de la création, je trouve, par rapport à tous les animaux, techniquement, je l'ai trouvé vraiment réussi au niveau des couleurs, des décors et tout. Je l'ai trouvé vraiment superbe. Même les designs des monstres, ils marchent bien, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ces références. Pas mal de petites références à Jurassic Park. Petit peu trop appuyé, mais. Mais dans l'ensemble, enfin, on en retrouve un peu tout au long du film, et j'ai trouvé ça pas mal, et le fait de les retrouver aussi, ces références dans la création des animaux, je pense aux espèces de bananes qui courent, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais après, du coup, il y a notamment un point où ils appuient trop, et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport comment il s'appelle, au méchant. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Ils trouvent une bonne idée et ils l'exploitent tout le temps. Ouais. Et je pense notamment au passage où ils ouvrent la bouche en grand quand ils sont devant un truc énorme qui leur fout la trouille et tout, qu'on voyait dans le premier film, au moment où il y avait la tempête qui arrivait sur eux, où ils ouvraient grand la bouche et voilà. Et là, on le retrouve deux trois fois dans le film, et c'est vraiment trop, ça a pas d'intérêt particulier, en fait, et c'est juste trop, en fait. Bah, tu sens que ouais, les mecs sans les réals et sans le scénariste, parce que du coup les deux, ils avaient aussi écrit le film. Tu sens qu'en fait ils ont essayé de voir ce qui marchait dans le premier, mais ils ont pas compris le film. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont essayé de faire une suite sans avoir compris tout ce qui faisait le sel du premier. Et, du coup, ça marche pas. Et puis y a pas de boulette géante quoi. Ouais, y a pas de boulette géante. C'est. Mais cela dit, je tiens à dire quand même que moi, c'est un film où j'ai vraiment passé du bon temps devant. C'est assez. Parce que depuis tout à l'heure. Mais j'ai pas aimé. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que depuis tout à l'heure, en fait, j'ai commencé en disant bah, moi, j'ai bien aimé. Et puis, depuis tout à l'heure, je le démonte. Alors qu'au final, je trouve il y a quand même des bonnes idées dedans. Et il y a des passages super drôles. Et il y a des personnages très attachants, notamment la fraise. Et oui. Puis Steve, dont je suis toujours très très fan. Tu vois, rien que de le dire, tu sais, ça me fait marrer. Et ouais, parce que du coup, ils ont utilisé des personnages qui marchaient déjà dans le premier, quoi. Donc, bah, c'est ça. Mais du coup, j'ai vraiment passé un bon moment à l'instant T, en fait, devant le film, quoi. Après, oui. C'est vrai qu'il laisse pas de traces. Ouais. C'est un peu son problème. Comme tu dis Chronos, c'est que c'est vrai que je repense aussi moi à une séquence au début du film où on revoit faire en fait ses chaussures en pâte. Oui, c'est le petit flashback qui résume le premier quoi. Ouais voilà, donc alors qu'on était déjà au courant qu'il avait déjà les chaussures au premier, voilà, c'est des choses qui sont un peu en doublon et qui gênent peut-être un petit peu. Alors est-ce que c'est pas aussi une façon de dire aux gens venez voir le 2, même si vous n'avez pas vu le 1, ça vous permettra de. Vous serez pas non plus complètement perdu. C'est difficile d'être perdu avec les deux, mais il y a peut-être aussi un peu de ça. Je suis un peu du même avec Toon, c'est-à-dire que j'ai bien aimé le film. La fin, je la trouve. Par contre, la fin est bien aimée, notamment quand. Notamment dans cette espèce de laboratoire où voilà les fruits se rebellent. Les miam niveau, pardon, se rebellent. Les miam niveau, ouais. Les miam niveau, voilà. Mais c'est vrai que, mis à part ça, il manque quelque chose, ou alors c'est trop superficiel. Une espèce d'académie qu'on découvre au début qui sert pas forcément à grand chose. C'est une façon d'essayer de comprendre l'univers du méchant, quoi, parce qu'on comprend tout de suite qu'il est pas non plus là pour beurrer les sandwichs, parce que l'expression. C'est un peu le problème du film aussi, c'est qu'il est très très prévisible. Je pense par exemple le personnage l'orang-outan, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui. Dès le début, enfin pas dès le début, mais ouais, quasiment, enfin dans les premières répliques, tu sais déjà comment ça va se finir quoi. Exactement. Par contre, gros dédicace au générique de fin qui utilise toutes les techniques possibles et imaginables d'animation. C'est parce qu'on a du stop motion, on a de la 2D, on a de la 3D. C'est ma foi, pas dégueu à regarder. Donc voilà, Tempête de boulettes géantes 2, c'est un mouet, c'est ça? On pourrait dire ça comme ça, un mouet de la part de l'équipe. Il y a dans les mieux. À voir en vidéo, je pense. Un mouet sur le coup, mais après vous aimerez pas. Donc voilà, ben, Toon, toi qui rigole. Donc, il rigole tout seul ou presque. Je vais te faire la présentation de Jack et la mécanique du cœur. Tu vas nous parler de ton coup de cœur. Mon cœur. On me l'a confectionné le jour de ma naissance. Parce qu'on dit que je suis né le jour le plus froid du monde et que mon cœur a gelé. C'est un peu bricolé, mais ça marche. J'aurais voulu que ton cœur se solidifie encore avant de te lâcher dans la nature. Waouh! Il y a trois règles que tu ne devras jamais oublier. Ne pas toucher à mes aiguilles, je sais. Qu'est-ce que c'est? Mais aussi, maîtriser ta colère. Et la troisième, celle dont je ne t'ai jamais parlé, est la plus importante. Tu ne devras jamais, au grand jamais, tomber amoureux. C'est quoi ce petit bruit? C'est mon cœur. Vous aimez? Oui. Tu ne supporteras jamais la charge émotionnelle et physique que provoque l'amour. Je c'est réalisé par Stéphane Berla et Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, qui est le leader du groupe Dieu et qui a adapté. Alors, il s'est occupé également de la bande originale, je crois. Alors, en fait, c'est Jack et la mécanique du cœur. Le film est une adaptation du livre écrit par Mathias Malzieu, dont Dionysos, donc le groupe duquel il est le leader, a fait un album qui s'appelle aussi Jack et la mécanique du cœur, et qui reprend en gros la trame de l'histoire, et dans lequel, dans le film, on retrouve des chansons issues de l'album. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Jack et la mécanique du cœur ? Donc en fait, ça raconte une histoire qui se passe à Édimbourg en 1874, et c'est Jack qui naît le jour le plus froid du monde, et son cœur reste gelé. Et du coup, une étrange doctoresse, docteur Madeleine, le sauve en remplaçant son cœur par une horloge mécanique. Et du coup, ce docteur Madeleine qui devient sa mère adoptive, donc il grandit en restant enfermé chez elle. Et en fait, à ses 12 ans, je crois, il insiste pour aller à l'école, pour rencontrer des gens et sortir, parce qu'en fait, une des règles que je n'ai pas dit est qu'il ne doit pas tomber amoureux, puisque ça ferait une surchauffe dans son horloge et il embourrerait. Et donc il y a toute une histoire autour de ça, qui est une histoire qui n'est pas très développée, qui n'est pas très intéressante, et dans laquelle on s'ennuie ferme, en fait. En tout cas, moi, je me suis vraiment ennuyé. J'ai trouvé ça vraiment longué, sans aucun propos, sans aucun sans vraiment d'intérêt, en fait. C'était pas trop comédie musicale. Si, un petit peu, parce que bah forcément. Forcément, vu le contexte du film où c'est un chanteur qui a écrit un bouquin et qui a fait la musique. C'est les musiques de Mathias Malzieu, enfin de Dionysos. Il y a des inédits d'ailleurs dedans. Les chansons collent pas forcément toujours à ce qui se passe. Je trouve ça assez étrange. Vu que ça a été un peu écrit et mis en musique en commun. Moi j'y allais plutôt confiant, puisque j'aimais beaucoup le chara-design très spécial, pardon. Notamment ses grosses têtes, ce design un peu, comment je pourrais dire, poupée, assez étrange, un peu Tim Burtonien, mais pas tout à fait. Et donc déjà, techniquement, c'est pas réussi du tout. Les décors sont vides, les animations sont pas de grande qualité. Il y a un problème de réalisation, c'est-à-dire que c'est filmé comme on filme des gens normaux avec des têtes normales. Sauf que les têtes, elles sont 5 fois plus grosses que la normale, et du coup, il y a un vrai problème dans la réalisation, on voit que les têtes à l'écran. C'est assez étrange. Tu vends du rêve là quand même. Hein. Ah ouais, non, mais j'ai été extrêmement déçu, parce que j'y allais vraiment confiant. J'ai beaucoup aimé l'album de Dionysos. Les musiques sont vraiment très sympas, mais on rock des têtes. Mais et puis il y a des, enfin il y a des trucs qui sont donc il y a un casting de doubleurs, enfin de doubleurs. Il y a un casting de gens célèbres, notamment des chanteurs, par exemple le Grand Corps Malade qui fait l'ennemi de Jack. Jack qui est doublé par Mathias Malzieu. J'ai perdu son nom. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, voilà, merci. Que j'aime beaucoup, j'adore sa voix, mais c'est enfin le doublage est pas terrible. C'est dommage de le dire comme ça parce que dans les chansons je la trouve super, mais le doublage ça colle pas avec comment dire le personnage plutôt enfin ouais c'est je sais pas c'est vraiment bizarre je trouve ça colle pas mais pourtant ouais les chansons sont vraiment très sympas. Il y a Jean Rochefort aussi bon j'ai décidé de pas trouver les noms ce soir. Un personnage avec une grosse tête. Il y a un personnage avec une grosse tête, tout à fait. Donc c'est Jean Rochefort, voilà, c'est la classe. Ça passe plutôt bien, c'est un des personnages les plus réussis en fait. Et puis il y a des trucs, notamment un passage très étrange dans un train qui n'a aucun lien avec l'histoire, qui n'a aucun propos, qui est une sorte d'hallucination, on sait pas trop. Avec un, en fait, c'est fait avec la voix de Bachung en reprise d'une chanson en fait de Bachung. Et c'est Jack l'Éventreur et j'ai pas compris cette scène. le problème c'est que c'est pas plusieurs moments comme ça où je comprends pas. Je me rends compte que je suis très très dur avec le film. Et j'ai été vraiment déçu et j'ai trouvé aucun intérêt dans ce film en fait. Il dure 1h20 je crois, 1h20 ou 1h30. Il y a le début donc qui raconte la scène où Jack naît et puis après en accéléré sa croissance. Après, donc, il s'en va, il va à l'école, etc. À partir du moment où il va à l'école et le moment vers la fin, en fait, il se passe pas grand-chose. C'est un peu du vide, tout le film, pendant, en gros, 1 heure, 50 minutes, il se passe rien, en fait. Et voilà, je l'ai trouvé très chiant. Les musiques sont sympas, mais autant écouter l'album. Et puis voilà. J'ai été très déçu par ce film, en fait. C'est vraiment dommage parce que ouais, j'ai été sur la promesse du chara-design et sur la promesse de l'album que j'avais bien aimé. Et ben, voilà, tant pis. Bon, parce que pour l'instant, on n'a pas non plus des films qui nous ont extrêmement... non plus quoi, je veux dire, il n'y a pas entre minuscules Double Jump 2 et Jack et la mécanique du cœur, on est plutôt sur du moyen que sur du vraiment très très positif. Ah, on garde le meilleur pour la fin, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, on est Tarzan. Tonton, j'ai encore te laissé la parole quand même, hein, parce que je trouve que tu ne parles pas assez en ce moment. C'est gentil. Alors, je vais nous parler de Tantilda. Alors, Tantilda, c'est réalisé par Jean-Rémy Girard, c'est ça. Donc, il a réalisé notamment auparavant La Prophétie des Grenouilles, Mia et Milou. Et Benoît Chieux, qui a également travaillé sur d'autres productions du studio Folle Image, puisque c'est le studio qui nous intéresse ici. J'adorais le métier de mes parents, botaniste. J'adorais mélanger les plantes, les essences de fleurs. Je rêvais de fabriquer des potions magiques. Oui, j'écoute. Bonjour, on vient de faire une découverte faramineuse. Faramineuse, tiens donc. Les plantes sont capables de grandir façon géante et dégager une énergie de dingue. Quand on aura passé toutes nos cultures au NGO, les bénéfices vont grimper, mes cocos. Mesdames et messieurs, Tilem. C'est une révolution. Grâce à Tilem, la faim dans le monde est en voie de disparition. Elle va régler tous nos problèmes. Et qui est derrière tout ça? Je vous le donne en mille. La Dolo, mon cher. cette aventure est dangereuse. La plante, incontrôlable, a envahi tous les continents. Mais je ne peux vraiment pas laisser faire ça. Mais c'est quoi? Des asperges, gros bêta. Il faut laisser nature libre. L'histoire de Tantilda. Alors, Tantilda, c'est une rose de la nature qui conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier, et beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Atilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d'eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s'épuisent. Mais la catastrophe n'est pas loin. Alors, est-ce que c'est une jolie fable écologique? Tout à fait, c'est joli, c'est le mot qu'il faut retenir. C'est une jolie fable écologique. Déjà, au niveau de la direction artistique, c'est dessiné, en fait, on voit les traits et tout. C'est vraiment un rendu particulier et c'est très agréable. L'animation est vraiment de qualité en règle générale, et surtout il y a des couleurs un peu aquarelles qui sont vraiment superbes et qui mettent vraiment en valeur le film. Et donc en plus de ça, il y a l'histoire, comme tu l'as dit, une fable écologique avec cette Hilda qui est une biologiste et qui est avec un chercheur qui fait justement partie d'Atilem, donc une société qui fait de l'engrais. Et donc qui rentre un peu en guerre avec ça après la découverte de justement cette céréale. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'est la Dolo, l'entreprise, et ce qu'ils ont trouvé, l'espèce de légume géant Atilem. La céréale. Ouais, une céréale, mais c'est un truc énorme, un baobab géant dans lequel on peut prendre de son essence. Enfin, c'est assez particulier. Mais c'est vraiment, il y a ce côté fable qui est vraiment très bien mis en avant, fable moderne. Et les personnages sont géniaux. Il y a des personnages vraiment excellents. Je pense aux parents de Tantilda qui sont tous les deux qui perdent la mémoire quand Alzheimer et qui sont malgré eux des personnages vraiment rigolos et très très attachants. Il y a la présidente, directrice, je sais pas exactement, je me souviens plus de son titre exact, mais la fondatrice, on va dire, de la Dolo, qui est doublée par Josiane Balasko et qui est vraiment un personnage vraiment intéressant aussi. Et qui est assez hystérique, la femme obèse qui passe son temps à bouffer et qui veut conquérir le monde, toujours plus d'argent et tout. Et c'est vraiment, il y a une belle galerie de personnages. Le film a un très bon rythme aussi. Et ça se laisse vraiment bien regarder. Le doublage, comment ça se passe pour le doublage? Le doublage est vraiment très bon. Ouais. Alors, Tantilda est doublée par Sabine Azéma. Donc là, c'est pareil, c'est un casting. C'est un joli casting, je dois dire, puisqu'il y a donc Sabine Azéma, Josiane Balasko, que je me souvienne, il y a François Morel, Bruno Locher, des chiens notamment. Il y a un casting vraiment intéressant et qui double bien, ce sont des vrais acteurs et ils savent doubler, ce qui change de Jack et la mécanique du cœur. Et non, vraiment, c'est un très joli film et qui change dans la perception visuelle de tout ce qu'on peut voir ailleurs, en fait. Et ça aussi, c'est agréable. C'est sûr, ouais. C'est vrai que graphiquement, alors j'ai hâte de le voir parce que pour la petite histoire, je me suis remis les pinceaux dans les horaires pour aller voir le film au cinéma. J'aurais bien voulu parler, en discuter avec Tuntun ce soir. Mais c'est vrai que pour avoir vu les bandes annonces ou pour avoir vu les différentes images, le trait utilisé par le film est quand même super, super sympa, super agréable à regarder. Et comme tu disais, ça change, voilà, c'est de la 2D, mais ouais, c'est très joli. Il y a vraiment un cachet très différent. Il y a ce côté un peu tremblotant et tout de l'image. Et puis il y a des couleurs qui sont vraiment magnifiques, notamment dans certains décors. Je pense à la serre dans laquelle vit Tantilda, qui est vraiment magnifique. Ça déborde de plantes, de couleurs, de enfin voilà, c'est vraiment superbe. Donc vraiment, ouais, je conseille d'aller le voir. Ça s'appelle Tantilda et c'est sorti donc au mois de février. Et c'est surtout que c'est, à mon avis, le prochain Césarisé. Oui, j'y pensais, quoi. J'y pensais aussi, sauf grande surprise. Après, je m'avance un peu, je sais plus trop ce qu'il y a en sortie française dans le courant de l'année, mais. En tout cas, il y a toutes les caractéristiques pour. Ouais. Pour moi, il devrait passer devant. En tout cas, tous ceux qui sont sortis. Jusqu'à maintenant en film d'animation français. Exactement, alors on va passer là encore à un film d'un tout autre calibre puisque c'est Mr. Peabody and Sherman, Les Voyages dans le Temps. Oh, Peabody, c'était éblouissant. Paul, n'était-ce pas éblouissant? Je suis plus rock'n'roll. Je voulais dire flamenco. Didgeridoo. Tout ça. Mais enfin, quelle perte de temps. C'est inconcevable. Allons chercher Penny. Et rentre là. Tout va bien, Paul? Très bien. Bien. Paul, si vous permettez. N'approchez pas, Peabody. N'approchez pas. J'ai besoin d'étirement. Laissez-moi faire, Paul. Je suis diplômé de chiropraxie. Peabody, je n'ai plus rien. Je me sens merveilleusement bien. Oh, Monsieur Peabody, vous faites des miracles. Eh ben, on a été trois à le voir, ce qui est magnifique. Réalisé par Rob Minkoff, qui a notamment travaillé auparavant sur Le Roi Lion. Il a quand même fait des choses entre-temps, parce que bon, ça fait même 9 ans Le Roi Lion qui est sorti. Alors l'histoire, c'est que Mr. Peabody, c'est la personne la plus intelligente du monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier, et il se trouve aussi être un chien. Bien qu'il soit un génie dans tous les domaines, Mr. Peabody est sur le point de relever de son plus grand défi, être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l'école, il décide de lui apprendre l'histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe. Eh bien, Chronos, qu'est-ce que tu as pensé de Mr. Peabody et Sherman? Eh ben, c'était pas si mal. Justement, là, j'en ai vraiment pas grand-chose. Surtout que j'avais été bassiné par la bande-annonce pas mal de temps, donc ça m'a vraiment un peu dégoûté. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ce qui passait tout le temps au cinéma. Ouais, c'était horrible. Et du coup, en fait, c'est plus par... comment dire, par... parce que je voulais voir The Grand Budapest Hotel et tout était pris, et je me suis résigné à aller voir Mr. Peabody and Sherman. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Pas la même chose, mais j'étais plutôt content parce que c'était pas si mal, c'était vraiment mieux que ce que je pensais. Et puis, juste une petite digression, mais c'est pas toi qui me disais le mois dernier que t'aimais pas trop les films de Wes Anderson? Si, exactement, et parce que justement je voulais aller le voir absolument pour vraiment confirmer et étrangement j'ai bien aimé celui-là comme quoi il y a toujours exception qui confirme la règle, Mais bon, ça c'est notre histoire. mais ouais, Mr. Peabody and Sherman, c'est pas mal du tout. C'est en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est graphiquement, techniquement, c'est pas extraordinaire. C'est les décors sont pas ouf, c'est très propre, mais c'est pas incroyable. Et justement, ce côté épuré avec les personnages qui sont designés de façon assez particulière, avec des grosses têtes très épurées aussi, ça marche super, super bien. Il y a un plan par exemple au début, au niveau de la ville, où c'est les immeubles, c'est juste des appâts de couleurs avec un peu de dégradé, et ça marche super bien. On a l'impression de voir un concept art. C'est très joli, et il y a plein de trucs comme ça qui marchent super bien. Après, pour les persos secondaires, c'est un peu plus différent, parce que c'est genre le Léonard de Vinci, qui est, le design n'est pas extraordinaire. Il y a plein de personnages secondaires où leur design laisse un peu à désirer, mais d'une manière générale, c'est plutôt agréable à regarder. C'est pas ouf, mais ça passe plutôt bien, et l'histoire est sympa, ça marche bien. C'est pas le film de l'année, hein, c'est pas au niveau d'un Kung Fu Panda, ça reste dans, on va dire, dans le haut de gamme de DreamWorks. C'est plutôt sympa, mais c'est pas non plus comme Dragon 2 qui va sortir bientôt, et donc j'espère que ça va être très très bien. T'es pas objectif quand tu dis ça. Ouais, je sais. Et non, il y a des trucs très drôles, je pense notamment la blague avec le cheval de Troie, donc je laisserai le plaisir de découverte, qui m'a bien fait marrer, qui est un peu scatophile, mais pour le coup j'étais assez surpris, et pour un film DreamWorks justement, le contexte, ça marche pas bien, quoi. Je pense que le nombre de films d'animation qui font les blagues scatophiles, parce qu'ils en font même ça, il y en a un paquet. Hein. Ouais, mais là en fait la façon dont c'est amené. Justement avec le cheval de Troie, où t'as les personnages qui sortent, et avec l'animation en fait qui justement à ce moment-là est très fluidifiée, on va dire, donc ça rajoute ce côté assez drôle, et en fait j'ai trouvé ça vachement bien trouvé. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment bien trouvés, et du coup ça m'a bien fait marrer, et je trouve que ça marchait très bien, quoi. Moi je suis exactement pareil, ouais, c'est un film très sympathique, j'ai passé un vraiment bon moment devant, et moi j'aime bien ce genre de film où on voyage un peu dans les époques, ou en tout cas on change pas mal de décors, et j'ai trouvé là les époques plutôt bien trouvées, et ce qu'ils en faisaient en tout cas, c'était plutôt bien trouvé. Donc non, ouais, et puis comme tu l'as dit sur le design, moi je suis très fan du design des personnages, et ça change du design Pixar qu'on voit à peu près partout maintenant, et je trouve ça vraiment pas mal. Après, comme je disais, c'est pas sur tous les personnages, quoi. Il y en a Oui, c'est vraiment les trois principaux, ouais. Sherman, et Peabody, et la fille, ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Penny. Ouais, c'est ça. Exactement. Et que les trois que je trouve vraiment très très bien, enfin, un excellent design, et très expressif. Penny et Sherman sont vraiment très intéressants à ce niveau-là. Et alors, par contre, j'aurais juste un petit bémol à faire, c'est sur la fin. Le dernier quart en fait que je trouve raté en fait, je vais pas spoiler, mais le retour en fait, le retour dans le présent, on va dire, la toute fin, je trouve ça raté, et sans vraiment d'intérêt comparé au reste du film. Bah, moi je suis pas forcément du même avec vous, pardon, déjà parce que je trouve que notamment tu fais bien de t'excuser. Mais non, excuse pour le film déjà parce que le personnage de Penny, je la trouve ultra caricaturale, et elle change d'avis mais d'un coup, quoi. C'est-à-dire qu'au début elle traite Sherman comme un chien, justement, parce qu'il y a cette scène notamment dans la self qui est assez voilà, qui est ce qu'elle est. Mais après, une demi-heure après, à partir du moment où il se passe ce qui se passe, qu'on va pas spoiler évidemment, elle devient la meilleure amie de Sherman. Donc déjà à ce niveau-là, je trouve ça un peu Bah, gros. tu Après, sais, c'est une gamine de son voilà. âge, hein. Oui, mais non, Tu mais lui montres une machine à voyager dans le temps, je ah bah, pense tout de que suite, ça hein. devient vite Bah ouais. ton meilleur ami. C'est le Pimp My Ride du 21e siècle, quoi. Okay. Mais Non, quoi... c'est parce que t'as pas aimé la blague avec Cheval de Troie, c'est ça? Tu Ah peux le non, dire, mais... hein, y a pas de honte. Ah non, absolument pas, non, Il y en a évidemment. une autre aussi avec le Sphinx. Ouais, mais ça, Oui, t'es dans la c'est vrai, bande-annonce, exact. Ouais, c'est elle était dans la moins. bande-annonce, Ouais, c'est c'est vrai. classique, c'est classique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors justement, après, c'est vrai que ce qui est partie de la partie graphique là-dessus, je trouve que c'est toujours agréable à regarder. Il y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Les différentes époques, voilà, pareil. Même si, par exemple, on en parlait, mais on voit un moment Leonardo DiCaprio et la Joconde, c'est pas forcément DiCaprio. dit de Vinci, pardon, Oui, la bien sûr. fille. C'est presque pareil, À un nom près, une particule près, à un nom près, ouais, c'est presque pareil. Mais enfin, bref, bah, justement, leur design tranche complètement avec le reste de la production et c'est assez vilain, je trouve. Pas forcément bien trouvé. Et puis le personnage est pas très intéressant non plus. Ouais, Non, voilà. c'est sûr. C'est juste histoire de montrer, regardez, en fait, regardez dans quelles conditions le tableau a été fait, quoi. Tout est normal. Alors, ce qui m'en gêne un peu plus, moi, finalement, c'est la trame de l'histoire qui est pas GG. J'aurais limite préféré que le, on va dire, le nœud scénaristique final se passe bien avant. Parce que finalement, ça, je pense que ça aurait donné un peu plus d'intérêt, un peu plus d'envergure au film. Après, il faut évidemment trouver les choses, bien faire les choses, évidemment, etc., etc. Mais pour un film, c'est toujours le problème en fait quand il faut un film où il y a des voyages dans le temps, c'est que forcément au bout d'un moment, bah, il y a des collisions qui vont se faire et j'aurais bien voulu avoir un film avec un peu plus d'ambition. Je vais faire un parallèle, mais voilà, qui est pas forcément évident non plus au préalable. C'est un peu par rapport un peu la même chose que j'avais pensé pour Rebelle, c'est-à-dire que Rebelle est un film intéressant mais qui manquait vraiment de panache et d'envergure hein, il aurait pu se permettre de faire beaucoup plus de choses que de rester plutôt dans des choses un peu plus classiques. Quand tu fais des films à la Robin des Bois, comme c'était le cas pour Rebelle. Enfin bref, je m'arrête ici avec la comparaison avec Rebelle, mais c'est un peu dommage, voilà, de pas avoir tenté plus de choses à ce niveau-là, parce que c'est vrai que des films, des voyages dans le temps, on n'a pas non plus des masses, et c'est toujours intéressant, notamment en termes de films d'animation. J'aurais pu penser un peu plus d'audace à ce niveau-là que ça, parce que finalement, il y a que les 5 dernières minutes où on se dit, ah, il va peut-être se passer quelque chose d'un peu ouf. Alors, on voit Bill Clinton en 3D, je sais même pas pourquoi il est là. Mais Enfin, la fin, c'est un peu un truc fourre-tout. oui. C'est pour ça, moi, personnellement, que j'ai pas spécialement aimé. Enfin, c'est l'occasion de mettre plein de personnages, mais tu sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est un prétexte, Ouais, quoi. oui, voilà. Ouais. Ah, complètement, parce que tu retrouves George Washington, ouais, genre, tout est normal, quoi. Et puis après, tu sais même pas comment ils rentrent. Comment ils rentrent chez eux, quoi. Enfin, bref, ça, c'est le. Comme je dis chez eux, c'est à leur époque, évidemment, c'est un autre problème. Donc voilà, après, voilà, tout ce que vous avez dit, de choses positives autour du film, je suis assez d'accord avec vous. Il y a juste ces éléments-là qui sont un peu, si on va dire que je chipote, parce que faut pas non plus oublier que c'est un film, Je pense que c'est un film vraiment pour enfants, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, que c'est pas aussi poussé. Même si c'est vrai que du coup, je suis un peu comme toi, je regrette qu'ils aient pas été plus loin sur ce côté-là. Mais je pense que fallait vraiment que ça reste, comment dire, pour. Enfin, la cible, c'est vraiment le jeune public, quoi. Ouais, mais un peu plus d'envergure, tu vois, je sais pas, enfin bref. Bah, par exemple, tu vois, un film comme Dragon. je sais que Chronos est fan d'Oregon et que le deuxième épisode sort bientôt. Il y a quand même il y a des moments où tu étais vraiment accroché à ton siège parce qu'il y a des choses qui te font intéresser au film. Là, j'ai vraiment l'impression que bah on met juste les situations les unes après les autres et puis en utilisant plus chaque spécificité du temps, c'est-à-dire qu'à un moment ils sont en Égypte ancienne, Penny se retrouve à épouser le futur pharaon et puis quand le pharaon il meurt, bah elle aussi meurt, donc tout de suite là c'est spoil. Enfin, alors là, je peux dire que j'ai spoilé des choses plus graves que ça, quand même. Oui, on se souvient. Ouais, voilà, non, mais enfin, bref, c'est un peu dommage. Je rebondis un peu sur la même chose, c'est-à-dire que c'est un manque d'envergure. C'est... Après, les films DreamWorks, même si le contre-exemple de Dragon est bon, ne nous a pas toujours habitués à faire des choses. Le problème, c'est que ça dépend vraiment, tu vois, tu sens que dans l'année, tu auras un film un peu épique, genre Dragon, tu auras un film un peu comédie, genre Peabody and Sherman, ou peut-être le film avec les extraterrestres qui va sortir en fin d'année. Mais en fait, t'as toujours plusieurs cibles et plusieurs budgets pour chacun des films, en fait. Dans un an, en fait, t'auras toujours, l'année dernière, c'était The Croods qui était vraiment le film gros budget sur lequel ils avaient tout misé. En plus, tu sens que techniquement, entre un The Croods et un Turbo, par exemple, il n'y a pas eu la même passion dans les deux films, quoi. Ouais, rien à voir, pour le coup. Ouais. C'est là, je pense pour ça que Turbo a fait de meilleures entrées en France que The Croods. Ouais, bah ouais. Aussi surprenant que ce soit. Après, c'est le sujet, c'est une question de goût. Donc, oui. C'est clair qu'un escargot qui fait de la Formule 1, j'achète tout de suite, quoi. Ouais. Non mais c'est après ouais, je pense que Peabody and Sherman c'est vraiment moins ambitieux qu'un Dragon 2 et que du coup ils mettent pas les mêmes budgets dessus, quoi. Et aussi mais alors ça c'est complètement personnel pour terminer là-dessus, c'est que j'ai du mal, moi c'est par rapport aux voix. Alors les voix sont dans l'ensemble absolument réussies, y a aucun souci là-dessus, c'est bien joué, y a pas de problème. J'aime beaucoup celle des trois personnages principaux justement. Ouais, ben moi j'ai pas réussi à me détacher en fait de la voix de Mr. Peabody. Chien à savoir, parce que c'est doublé par Guillaume Gallienne, et j'avais vu aussi il y a pas longtemps Guillaume les enfants avec Guillaume à table, et du coup j'ai pas réussi à me détacher de cette voix, et j'avais l'impression de le voir en fait voir à la place du chien. Évidemment je voyais le chien à l'écran, il y a pas de souci là-dessus, mais bon, après c'est un détail mineur, hein. Pour le reste il y a aucun problème à avoir, mais c'est juste par rapport au doublage. Donc voilà, ça reste quand même un film, ça reste un bon divertissement à voir au cinéma. Là-dessus, je dirais pas le contraire. Et ben voilà, je pense qu'on va terminer. Alors, on n'a pas vu Tarzan, je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, mais ça a été réalisé quand même par Reinhard Loos, donc c'est un réalisateur allemand. Et donc il avait réalisé Animaux et compagnie, Le Monde Merveilleux d'Impi, de merveilleuses productions inconnues à ce jour. Des enfants. Enfin bref, on passe rapidement sur Tarzan, qui a été plutôt haché menu par la critique. Et on va s'intéresser à simplement la grosse sortie, de ce mois de février, à savoir La Grande Aventure Lego. You are the master builder. A special one that will save the realm. The greatest, most interesting, most important person of all time. Hey, Planty, what do you want to do this morning? Watch TV? Me too! The prophecy chose you, Emmett. Oh, my G-O-S-H. Are you ready, my son? This rebellion ends now. Can you feel me? I can feel you. What? I don't think he's ever had an original thought. I want to go home! This is not what I meant! The only thing anyone needs to be special is to believe that you can be. Great. I think I got it. But just in case, tell me the whole thing again. I wasn't listening. You ruined it. Good job. The Lego Movie. Only in cinemas. Et comme par miracle, on l'a vu tous les trois également. C'est réalisé donc par Phil Lord et Chris Miller, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Chronos, ce sont les les deux papas du premier épisode de Tempête de Blé Géante. Et voilà, alors en ce qui concerne l'histoire, alors l'histoire nous met en... On est sur la connaissance d'Emmett. Emmett, c'est un petit personnage, c'est un Lego tout simplement. Un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Et, on le voit comme un messie. Il se retrouve entraîné parmi d'autres dans un périple des plus mouvementés dans le but de mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. Alors c'est l'ordre business, hein, de voir ça. Mais le pauvre Emmett n'est absolument pas prêt à relever un tel défi. C'est magique, c'est copier-coller de synopsis fait par le service marketing, ça vend du rêve. Alors messieurs, alors déjà, est-ce que vous êtes quand vous étiez petit, vous jouiez au Lego? Oui, tout à fait. Oui. Et même maintenant, hein, ça n'empêche pas. Est-ce que tu les colles ou est-ce que tu joues avec? Non, je les colle pas mais je ne joue pas tout le temps avec. Je construis plutôt. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Alors, déjà, on peut peut-être s'intéresser, je pense, déjà à la partie graphique, parce que c'est la partie la plus importante, dans le sens où on reconnaît forcément les personnages Lego, les univers Lego. Qu'est-ce que vous avez pensé en termes de la réalisation? Ben, moi, j'ai été vraiment bluffé par la réalisation technique. J'avais du mal à faire à savoir si c'était... Si c'était du stop motion avec des vrais Lego, ou si c'était l'image de synthèse. Imagine la galère, quoi. Bah ouais, mais bon, et c'est vraiment très très bien fait. Et il y a un travail sur les textures qui est assez dingue. Je pense par exemple au Spaceman Ben. Ouais. Bah, je pense qu'on l'a tous eu ce Lego là. Avec son casque bleu, ses vêtements bleus, etc. Et le casque qui se pétait toujours en bas. Et on va construire un vaisseau. Spaceship. et en fait sur ce, et c'est pareil, ce casque qu'on pouvait enlever finissait toujours par être mâchouillé. et on retrouve ces coups de morsure sur le casque et c'est un des détails, des milliards de détails qui y a dans le film. C'est plein de détails, de références aussi. Et il y a un énorme travail de texture, je trouve, de lumière aussi. Enfin, voilà, techniquement, il m'a vraiment bluffé. Et toi, que dire de plus, Chronos? Non, bah c'est le, je pense que c'est le meilleur film de ces 5 dernières années, donc c'est pas compliqué, hein. Ah oui, carrément. Non, je déconne. Je pense que c'est, bon, ce sera au moins le meilleur film de cette année. Voilà, c'est le meilleur film. Oui, c'est le film, ouais. Ça c'est sûr. Non, franchement, c'est vraiment bluffant parce que, ouais, déjà graphiquement, c'est assez extraordinaire. C'est surtout que j'avais vu une interview des réalisateurs, ils avaient dit, bon, on va faire tout le film en Lego, c'est-à-dire qu'il y aura absolument rien qui sera représenté par autre chose que des Lego. Et du coup, les mecs à qui ils ont dit ça, ils ont pris pour des fous, quoi. Ils ont dit mais ça marchera jamais, quoi. Ils ont réussi à le faire et le résultat est assez incroyable, quoi. Enfin, tout ce qui est explosion, tout ce qui est océan, tous les petits effets, genre je me souviens de la botte mobile là qui, enfin, je crois que c'est la botte mobile qui passe par un chemin de terre et du coup t'as des caboussures de terre. En fait, c'est des morceaux de Lego. Mm. La mer aussi, c'est impressionnante. Ils sont incroyables, justement. Et, non, franchement, graphiquement, c'est un truc de fou, quoi. Je crois qu'il y a juste le générique de fin qui est en stop motion, en vrai stop motion. Ouais. Mais tout le reste est en 3D. Vraiment tout le reste? Ouais, même, ouais, tout le reste. Même dans les scènes finales. Sauf le le truc de, voilà. mais non, n'en disons tout... pas plus. Voilà. On va laisser Romain spoiler. D'ailleurs, j'ai peur que tout à l'heure il spoil le chrono s'il a failli. Il a failli non, la faire. Je suis pas comme ça, moi. non, mais c'est, ouais, tout est en 3D, de A à Z, sauf le générique de fin. Donc c'est ça qui est assez balèze, quoi. Parce que vraiment, il y a ce côté où, ils ont vraiment animé les personnages comme si c'était des gamins qui s'amusent avec. C'est ça qui est assez balèze, en fait, ça, c'est ouais. Comme tous les courts-métrages de stop motion qu'on voit, et c'est pas juste les personnages qui bougent comme dans n'importe quel film d'animation, c'est vraiment C'est du Lego animé. Ouais, c'est du Lego, quoi. Ouais, j'avais ouais. pas pensé à ça, en fait. C'est vrai que c'est comme si c'était des mains invisibles d'enfants qui bougeaient les... Ouais. Mais c'est, ouais, c'est vraiment très, très impressionnant. Et dès le début, on le voit quand il se lève, en fait, et qu'il fait ses exercices matinaux. Oui, ouais. dès le début, moi, j'ai tilté là-dessus, en fait. Et c'est vrai que tout le film, c'est vraiment très, très impressionnant. Et c'est pour ça que je disais au début... c'est difficile de faire la différence entre est-ce que c'est de l'image de synthèse ou de la CGI ou de la prise de vue réelle des vrais Lego quoi. C'est vraiment il y a un travail monstrueux et après alors c'est ce que je me suis dit, j'ai vu une partie du un petit bout du making of, je crois que tu l'avais posté sur Twitter Chronos. Le gros truc qui doit aider forcément je pense c'est d'avoir toute la base de données Lego ouais. Où t'as toutes les pièces qui sont numérotées et tout, et d'ailleurs je crois qu'il y a une petite référence à ça dans le film et ça doit un petit peu aider bah ouais je crois que les mecs que j'ai vu dans la vidéo ils ont carrément un logiciel en fait où ils ont comme tu dis toute la base de données. Et après, les décors, en fait, ils prennent les pièces et les construisent comme s'ils le construisaient en vrai. Donc, ouais. Donc du coup, effectivement, vu partant comme ça, les mecs, ils peuvent s'éclater comme ils veulent, quoi. C'est des super génies de la construction Lego. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est super. En plus, ce qui est sympa, c'est que c'est quand même super drôle, quoi. Ouais. Le personnage de Batman, il est génial, quoi. Il est énorme, quoi. Je dirais, à un moment, attention, spoil. Non, c'est pas méchant, c'est drôle, quoi, parce qu'à un moment, ils font référence à son identité publique, et donc il est tout content c'est et vrai. Tout. Si on se rend spoil. Enfin, s'il te plaît. non, mais c'est plein de choses comme ça. Bah, si on l'avait déjà vu dans la bande-annonce, le personnage de Batman était déjà assez, vraiment très drôle sur ses dialogues. Il disait pas forcément grand-chose, mais à chaque fois, c'est plutôt bien pensé. Après oui, ce qui est sympa aussi, c'est au début on voit vraiment le côté Lego où ils sont tous à la chaîne, quoi. Ils ont pas forcément, il y a pas forcément une personnalité qui sort du lot, avec cette fameuse histoire fumante des tacos gratuits. Ils sont tous contents alors que voilà. Je trouve ça génial la façon dont on s'est mis en avant le travail à la chaîne, enfin la vie bien rangée avec le manuel et tout. Oui. Et je trouve ça super, super bien. Il y a un café. Mais écoute, le café, $37. C'est super! Super génial! Tout est super génial. Exactement. Et 5 heures après, tout est super génial, toujours. Ah, il y a toutes les blagues là. Dans la bande annonce, la blague avec Wonder Woman et son vaisseau. Son vaisseau invisible. Tout son vaisseau invisible, tchou. Oh non! C'est énorme. Même la private joke, c'est entre Superman et Green Lantern, donc Green Lantern, c'est vraiment le pauvre naze de la bande. Oui, genre le mec, je peux venir avec vous, les gars. Alors, c'est pareil, Batman, quand il dit, je m'habille soit en noir, soit en gris, très, français, très, ouais. très, très, très, très, très foncé. bah oui, non, mais il est vraiment très, très bien. Ce qui est bien, c'est qu'il arrive à sortir du principe de oh non, je vais pas aller voir parce que c'est un film commercial. Alors c'est sûr qu'il va en faire vendre des boîtes de Lego, c'est obligé, parce que d'ailleurs on a vu des sets où on retrouvait les personnages du film. Mais cela dit, une grosse partie il y a beaucoup d'éléments qui sont issus de la gamme Lego City, ouais. Ou même Lego, enfin les minifigurines qu'il y a, que je collectionne malheureusement, et j'ai, du coup j'ai retrouvé plein de personnages. Oh, celui-là je l'ai aussi. Toi aussi, refais chez toi le film Lego Movie. Mais Chronos, tu habites à Paris? Ouais. Mais où prends-tu la place pour Ah non, mais c'est je laisse pas ça chez moi, je laisse ça au boulot, hein. Ah. On a une grande salle justement où on est un peu tous fans de Lego, et je pense que les gens qui arrivent, ils ont peut-être l'impression qu'ils arrivent dans un magasin de Lego au lieu d'être dans une boîte d'animation. Donc, Et qui appartiennent les Lego? Ah bah à nous, mais après c'est vrai que nous on les laisse là parce qu'on n'a pas la place chez nous, surtout ça. D'accord. Puis okay, ça fait de la déco aussi. Oui, c'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est aussi, c'est classe quand même. donc, bah, et voilà. Sinon, oui, moi je voulais rajouter que ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y a. Enfin, voilà, ce que t'étais parti, je pense, à dire, en fait, c'est que c'est pas juste le film produit marketing, machin. C'est y a aussi un vrai propos, et bah c'est la grande force de Phil Lord et Chris Miller, les deux réalisateurs, qui avaient déjà réussi à faire ça dans Tempête de boulettes géantes, et qui là, enfin il y a un twist à un moment dans le film, et qui est vraiment super bienvenu, et que ouais. Moi je voyais pas du tout venir, quoi. C'est vraiment sur le cul, quoi, quand vous avez vu, ah ouais, ouais. Et ça donne une force en plus au film. Et qu'il y a vraiment un propos, et c'est pas juste là pour faire un film sur les Lego, c'est un peu plus que ça, quoi. C'est surtout que ça résume toute la philosophie de la marque, en fait, au-delà du côté un peu publicitaire, que justement, je pense que c'est ce côté-là qui a un peu gêné les gens, qui ont vu un peu trop une pub. Mais il y a tout ce côté philosophie et même la créativité en général, en fait. Pas forcément le Lego, mais tout en général, et justement, c'est ça qui est assez fort dans ce film, c'est que il y a cette philosophie qui est vraiment marquée dans le film et qui résume parfaitement la marque Lego, quoi. Et qui justifie le titre Lego The Movie, en quelque sorte. C'est vrai. Parce qu'en plus, là, pour le coup, on traverse de nombreux environnements Lego différents. Tu vas voir le western, tu vas voir le western. Il y a les chevaliers, le aussi. Il y a les pirates aussi. Les pirates, ouais. Il y a le monde tout rose là dans les nuages. Ah putain, avec le sort de Leo Kitty, ouais. Unikitty. qui est trop fort comme personnage. Je suis trop fan de ce personnage. Elle et Spaceman Benny. Ouais, Spaceship. Spaceship. Ah, même le robot pirate, là, il est cool. Ouais, aussi. Ouais. Cool. Mais en fait, tous les personnages, toute la bande, en fait, est vraiment cool, quoi. Le robot pirate, on voit plus qui c'est. C'est le capitaine pirate où il a. Je vais pas spoiler. Il est complètement difforme. Ouais. Il a un requin, je crois, sur un bras ou un truc comme ça. Ah, mais c'est le macho. Il qu'il s'est greffé un. Non, c'est pas le macho, non. Ah oui, par rapport à. Ouais. Les jokes. Ouais. Running gag, plutôt. Bref. Voilà, donc c'est. De toute façon, là, le film à voir absolument. À revoir absolument, parce que je me suis fait un peu tanner au début de mon restaurant, parce que moi, je l'ai vu en VF. Et mes petits camarades l'ont vu en VO, donc tout de suite la VO supérieure version, quoi. Alors que la VF, alors j'imagine très bien que la VO est très bien, mais la VF n'est pas mauvaise du tout. Elle se laisse écouter. Il y a plutôt un bon travail qui a été fait dessus, donc franchement, voilà, j'irai la voir pour. J'irai voir en VO si je peux encore le voir en VO, sinon je le regarderai en DVD en VO, mais pour le coup la VF passe très bien, et voilà. Ouais, t'es fan de Tal, du coup. Ah oui, vu comme ça, oui, c'est vrai que oui, non, la VO est mieux, en fait. J'ai pas écouté, non, mais je pense la VO, elle a un casting de assez dingue quand même. Ouais, c'est Chris Pratt qui fait le héros. Le prochain dans Les Gardiens de la Galaxie, là, c'est le héros, justement, ouais. un peu blagueur, et ça marche super bien dans le film Lego. Ouais, il y a Will Ferrell aussi, il y a Morgan Freeman, ouais. Pour le sorcier, je sais pas quoi. Alison Brie aussi pour Unikitty. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment du beau monde, et enfin, moi, en tout cas, la VO m'a vraiment particulièrement plu. Et notamment cette super chanson qui est le nouveau Let It Go pour moi. Everything is a Sum, chantée par les mecs de The Lonely Island. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur groupe pour faire cette chanson. Donc voilà, non, c'est vraiment un super film, Et tout est vraiment super génial dedans. Et bah, très pour, bien, les, pour les amateurs de la VF. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de Lego, Lego The Movie, Lego la grande aventure, Lego, pardon. Tous les suffrages au niveau de l'équipe et au niveau de la qualité du film. Donc voilà, on a fait le tour de tous les films sortis en février 2014. Donc il y avait quand même pas mal de choses à voir, hein, si on voulait être assidu et voir toutes les productions disponibles au cinéma. C'est vrai qu'on espère avoir très souvent des mois comme ça, mais au final, c'est pour avoir des mois qu'on va avoir des mois de mars, des mois d'avril assez mornes à ce niveau-là. On préfère à la limite que ce soit un peu plus mieux dispatché tout au long de l'année. Et pas seulement au niveau des vacances scolaires des enfants, parce que le dessin animé, c'est pas que pour les enfants. Pourtant, Kev Adams, il a dit le contraire. Oui, mais bon, ouais. C'est Kev Adams, quand même, hein. Les cons, ça tout. Voilà, donc, sur cette magnifique phrase, je crois qu'on va pouvoir vous dire à bientôt. On va pouvoir vous souhaiter surtout une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Celluloid. Salut. Salut. Bonsoir. My body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Sauce from the wind, and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I. Everything is awesome. Et nous revoici de retour pour vous parler évidemment du cours d'après, ce magnifique séquence cachée de l'émission. C'est pour ceux qui écoutent le podcast jusqu'à la fin. Donc, tu vas nous présenter, Thomas, un court-métrage qui a failli obtenir un Oscar. Ouais, Ah oui, c'est du coup c'est un court-métrage de Disney qui s'appelle Get a Horse ou comment on pourrait traduire ça. C'était à cheval, je crois le titre. C'était à cheval. Et du coup, ça a été passé avant La Reine des Neiges au cinéma. Enfin, pour ceux qui avaient pu le voir, ouais, j'ai pas vu non plus. Et du coup, c'est disponible sur un lien que j'espère que ça tiendra le temps de que vous le voyez. Et ça raconte justement. C'est pas ce fameux court-métrage qui avait été coupé de façon voulue dans certaines scènes de cinéma pour pouvoir passer un film en plus. C'est possible. Je suis pas au courant de cette histoire, mais c'est peut-être celui-là, ouais. Donc je te laisse présenter le court-métrage. Oui, en gros, ça commence comme un court-métrage de Mickey normal, mais dans un style assez ancien, comme Steamboat Willie, vraiment avec les mêmes designs, les mêmes personnages, tout en noir et blanc. Même musique. Et ça commence comme ça, et après, il y a une petite surprise, je vais essayer de pas spoiler, qui est assez surprenant, et ça marche super bien. C'est un mélange, justement, de plusieurs techniques si je veux pas trop spoiler et voilà c'est vraiment c'est vraiment un court métrage c'est un court métrage ouais ça dure 4 minutes je crois ou 3 minutes et c'est je crois que c'est un essai en fait ils ont testé Disney pour voir justement qu'est-ce qu'on pouvait apporter avec Mickey dans un registre un peu plus moderne enfin un mélange entre ancien et moderne ça a été présenté à Annecy cette année je crois. Et du coup, je pense que ça sera sur le Blu-ray de La Reine des Neiges quand ça sortira, comme tous les courts-métrages. Ouais, ouais, c'était confirmé. Le Blu-ray qui sort le mois de juin. Donc voilà. Très bien. C'est parfait. Et ben, c'est sur cette dernière séquence qu'on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Quel que soit le moment que vous écoutez ce podcast. À bientôt. Salut. Salut.